Après le gros soleil, il pète, la pluie tombe. Il tombe bien ce matin. Oui, soyez bien prudents, notamment côté est, les chaussées sont mouillées. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle, bonjour La Réunion. Il est 5h. Le journal de la rédaction, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. 20 ans de réclusion criminelle, c'est plus que ce qu'avait requis l'avocat général, mais pour les jurés de la cour d'assises, Stéphane Bocage est bien le bourreau du petit Kaylan. Il a été reconnu coupable de violences habituelles ayant entraîné la mort. Il va faire appel. Un aller simple Réunion-Paris à 249 €, c'est ce que proposera French Blue, la compagnie low cost à partir de l'an prochain. Un prix d'appel attractif, mais à ce tarif, vous n'aurez que le siège, pas de valise, pas de repas, pas de film et pas de couverture. Notre île fête cette année les 70 ans de sa départementalisation, un statut qui n'a pas réglé tous les problèmes mais qui a amené la modernité, oublié les famines et les épidémies. Un colloque lui est consacré, il se termine ce soir. Et puis en sport, football, la Saint-Pierroise est qualifiée pour la finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Les Cigognes sont assurées de finir en tête de leur poule après leur victoire hier, 2-0 sur les Seychellois. L'avocat général avait requis 15 ans. Les jurés sont allés au-delà. Stéphane Bocage a été condamné hier aux assises à 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans pour avoir frappé et tué en 2014 le petit Kaylan, 2 ans, l'enfant de son ex-concubine. La mère, qui était également poursuivie hier, elle écope de 2 ans de prison ferme pour non-assistance à personne en danger. Voilà pour les peines. Mais Johan Adamadorassi, cette affaire n'est sans doute pas terminée. Pas de réaction chez les deux prévenus à l'annonce du verdict. Dans le box des accusés, Stéphane Bocage reste impassible. Son ex-compagne Coralie Francom a la tête baissée. Elle vient d'être condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour ne pas avoir dénoncé les actes de violence que Stéphane Bocage a perpétrés sur son fils Kaylan. Elle attend les explications de son avocate sur la procédure, mais la jeune femme est enceinte et elle repartira libre. En revanche, Stéphane Bocage, lui, a regagné la prison, mais celui qui nie aujourd'hui être l'auteur de ces violences sur le petit garçon est bien décidé à faire appel de sa peine, 20 ans de réclusion. Avant les délibérations du jury, il a exprimé son regret de ne pas avoir fait le nécessaire avant le drame. Mais dans sa voix, pas d'émotion. 2 ans après, la douleur semble être plus visible dans l'entourage des prévenus que chez le couple infernal, ainsi nommé par l'avocat général lors de ses réquisitions hier matin. La violence, toujours celle vue sur Facebook en début de semaine. Cécile Othello souhaite que la vidéo, celle dans laquelle elle corrige son fils, soit retirée. Je n'ai pas fait cette vidéo pour humilier mon enfant, je voulais juste que mon fils réagisse. Problème, la vidéo a déjà dépassé les 500 000 vues sur Internet. Elle a même été diffusée sur les sites nationaux. Cécile Othello doit être jugée le 17 février prochain. La maire de Talon Bishop porte plainte contre la commune de l'Étang Salé et son maire, Jean-Claude Lacouture. Talon Bishop, souvenez-vous, cette jeune fille de 22 ans tuée par un requin le jour de la Saint-Valentin à Ravinemula. Un an et demi après, sa mère estime qu'elle n'a pas eu toutes les réponses sur les circonstances de l'accident. Les ventes en ligne sont ouvertes. Le premier vol, lui, est prévu le 16 juin 2017. French Blue a officialisé hier les tarifs de ses billets d'avion pour l'Hexagone. La compagnie low cost d'Air Caraïbes annonce l'aller simple Réunion-Paris à 249 €, soit moins de 500 € l'aller-retour. Mais à ce tarif, pas de valise en soute, pas de repas. Dans ce cas, on passe à 598 € l'aller-retour. Des prix attractif tout de même. Pour Marc Rocher, le PDG de French Blue, toutes les conditions étaient réunies pour lancer une nouvelle compagnie à La Réunion. Est-ce que d'autres auraient pu le faire avant? La réponse est forcément oui. Mais pour réunir toutes les conditions, pour bénéficier par exemple des meilleurs avions, pour bénéficier des sièges ultra-modernes que l'on peut mettre dans ces avions, pour utiliser la puissance de l'Internet, aujourd'hui le moment est optimal. Et il est optimal pour une autre raison. C'est que le prix du pétrole est actuellement bas. Donc c'est le moment de prendre des risques, c'est le moment d'être entrepreneur, c'est le moment de se lancer. Il n'est pas normal que la baisse du prix du carburant n'ait pas eu plus d'effet jusqu'à présent qu'elle n'en a eu sur le prix du billet. C'est un poste très important, il a été divisé par deux, il faut qu'il se passe quelque chose et c'est le bon moment. Marc Rocher, le PDG de French Blue, interrogé par Jean-Régis Ramsamy. Et pour conquérir 20% du marché, son objectif, la compagnie low cost a investi 215 millions d'euros pour l'achat de deux Airbus A350. On en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit aujourd'hui Jean-Paul Dubreuil, fondateur et président du groupe Dubreuil, propriétaire de la compagnie French Blue. Transport, toujours, les grilles du Port-Est sont restées fermées hier toute la journée en cause un conflit entre la COR, la coopérative ouvrière réunionnaise, et Rundoc, deux entreprises d'aconnage. Selon la CGTR, Rundoc doit, je cite, respecter les règles. C'est aujourd'hui que se termine l'enquête publique sur la carrière de Bois Blanc à Saint-Leu. Thierry Robert avait affirmé qu'il n'accueillerait pas les commissaires enquêteurs dans sa mairie, mais hier, les deux fonctionnaires étaient bien présents, installés dans les locaux du service de l'urbanisme. Ils ont reçu les administrés. Seuls une petite vingtaine de personnes avaient fait le déplacement. 5h05 sur la première, la suite du journal, Florent Marot. 1946-2016, il y a 70 ans, la Réunion devenait un département français. Un nouveau statut qui a amené la modernité, oublié les famines, les épidémies de paludisme, la société réunionnaise a changé en profondeur. Notre île s'est équipée d'écoles, d'hôpitaux, de routes, d'industries, et pourtant, la Réunion est parmi les départements les plus pauvres de la République, avec un chômage important. Jean-Paul Virapoulet a été un des artisans de cette départementalisation. Pour le sénateur, les combats institutionnels ne sont plus la priorité. L'avenir passe par le développement économique. L'avenir de la départementalisation, c'est d'abord l'économie bleue. La Réunion doit être la porte maritime de l'Europe dans l'océan Indien. Et nous ferons un port bicéphale, le port Saint-André. Ça doit être l'aérien. Nous sommes sur une île et le grand aéroport est une chance pour la Réunion. Ça doit être le câble. Nous devons être reliés comme si nous étions dans la banlieue de Paris, parce que le numérique va être la grande richesse de la Réunion des années qui viennent. Et nous ouvrons l'université Epitech l'année prochaine à Saint-André, qui est l'une des plus grandes universités de France. L'économie va donner ses lettres de noblesse et sa dignité à la Réunion. Le sénateur Jean-Paul Virapoulet au micro Réunion Première de Daniel Dambreville. Un colloque est organisé en ce moment sur la départementalisation. C'est jusqu'à ce soir au conseil départemental. On passe au sport. Football, la Saint-Pierroise s'est qualifiée hier pour la finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Les Cigognes sont assurées de finir en tête de leur poule après leur victoire 2-0 face aux Seychellois de la Passe FC. En début de semaine, Saint-Pierre avait déjà battu les Mauriciens. Pour l'instant, on ne connaît pas quand se jouera la finale. Une chose est sûre, les sudistes sont attendus demain à La Réunion. Le départ sera donné dans deux semaines exactement. Le Grand Raid, c'est cette année du 20 au 23 octobre. Réunion Première et partenaire. Plus de 5000 coureurs sont attendus pour le départ à Saint-Pierre. Et pour partir du bon pied, autant avoir le bon équipement. Cela fait un moment que les magasins de sport s'organisent. En ce moment, c'est loin d'être le rush. Les trailers ont pour la plupart déjà acheté leur équipement. Confirmation avec Bernard, et il participe au Grand Raid depuis une vingtaine d'années. Pour nous, c'est depuis longtemps, il fait ses manchettes, des carouets, c'est pour le froid, à plein de décaves, puis un peu de grandes chaussettes pour les jambes, là, et puis c'est tout. Moi, il n'est pas un grand, grand machin, mais il fait avec sa cnéna. Et là, quoi, il manque à où exactement à acheter, là? Ben, c'est la dernière achat, c'est le short, 30 euros un short. Et c'est les simples, hein, mais bon, pour moi, les chers. Plus que maintenant, il fait les courses, ben, les trucs qui augmentent. Au début, comment on a commencé, jamais les trucs étaient chers comme ça. Bon, vraiment, on n'avait pas tous les accessoires là, mais t'es pas cher comme ça. Et où c'est quoi le budget que vous la donne à où pour préparer votre grand raid? Ah, au moins, ben, avec les déplacements, l'achat de chaussures, short, tout ça, au moins 800 euros, avec l'inscription et tout. Bernard Trailer, depuis une vingtaine d'années, au micro Réunion Première de Priscilla Etève. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et ce matin, Fanny Bouvard, on va en Corse. Retour au calme après une soirée tendue à Bastia. 7 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés dans des affrontements avec une trentaine de jeunes nationalistes corses. Des jeunes rassemblés pour soutenir 3 camarades actuellement jugés à Paris pour un attentat à Corte en 2012. Mais les choses ont dégénéré avec des jets de projectiles et de cocktails Molotov. Des violences inacceptables pour Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé dans un communiqué. Aucun manifestant n'a été interpellé. L'enquête se poursuit en Belgique. Belgique après l'agression au couteau de deux policiers. Les deux fonctionnaires, une femme et un homme, ont été attaqués au nord de Bruxelles, dans la commune de Schaarbeek, par un ancien militaire de 43 ans. Il a été interpellé et aurait agi pour des motifs terroristes, selon les premières informations. Les jours des deux policiers ne sont pas en danger. Le bilan s'alourdit après le passage de l'ouragan Matthew dans les Caraïbes. On dénombre à présent une vingtaine de morts, principalement à Haïti. Mais le sud du pays est encore coupé du monde. Les États-Unis annoncent d'ailleurs l'envoi de 9 hélicoptères militaires pour des opérations de secours. Les États-Unis qui se préparent aussi à l'arrivée de l'ouragan. Les évacuations se multiplient en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et Caroline du Sud. Barack Obama demande d'ailleurs aux habitants de prendre au sérieux les conseils des autorités et évoque une tempête majeure. Le président américain, très préoccupé par les questions climatiques, il a d'ailleurs salué ce mercredi l'entrée en vigueur de l'accord de Paris d'ici 30 jours. Une journée historique dans la lutte contre le réchauffement climatique, s'est félicité Barack Obama. Le texte rédigé lors de la COP21 en décembre dernier a été adopté par 55 pays et sera donc opérationnel avant le début de la COP22 de Marrakech le 7 novembre prochain. Le vote formel doit avoir lieu dans quelques heures, mais le Conseil de sécurité de l'ONU est tombé d'accord ce mercredi. Le Portugais Antonio Guterres succédera à Ban Ki-moon au poste de secrétaire général des Nations Unies. Cet ancien haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés et premier ministre du Portugal prendra les rênes de l'organisation internationale au 1er janvier prochain. En France, une autre élection se prépare, la primaire à gauche, les 22 et 29 janvier prochains, avec un nouveau candidat. Le sixième, Gérard Filloche, se déclare candidat sur son blog. Le membre du Conseil national du PS et ancien inspecteur du travail. Il rejoint ainsi Marie-Noëlle Lindemann, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, François de Rugy et Jean-Luc Benamias. À droite, Alain Juppé, lui, s'affiche confiant. L'ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la droite se félicite des ralliements obtenus ces derniers jours et de ses bons sondages dans un article apparaît dans Paris Match. Alain Juppé, qui pour autant refuse, je cite, de vendre la peau de l'ours. Merci de vous réveiller avec la première 5h12. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et aujourd'hui, invité de marque, la pluie. Michael. Eh oui, malheureusement, après la journée belle et chaude que l'on vous avait promise hier, ça s'est bien passé avec des températures qui ont approché les 30 degrés. Hein, je confirme. Sur le département. J'avais raison. Sur le département, le ciel a viré du bleu au gris en fin de journée et donc pendant la nuit avec des pluies qui tombent sur l'est de la Réunion, notamment sur le nord aussi et sur le sud sauvage. Et bien le temps va rester à peu près du même acabit aujourd'hui avec une large moitié nord-est de l'île, du port à Saint-Philippe, en passant par le volcan, les plaines et les cirques de Mafate et Salazi qui seront concernés par un temps maussade. Ailleurs, il y aura moins de pluie, mais le temps sera aussi gris. Seule la région sud-ouest vers Saint-Pierre et peut-être Sillaos pourrait profiter d'un temps un peu plus éclairci, mais les pluies vont s'inviter ailleurs et vont s'intensifier certainement en cours de journée avec de bonnes averses sur le département. Du coup, sous ces nuages, les températures baissent de 25 à 27 degrés sur le littoral et à peine de 13 à 16 degrés sur le volcan ou encore à la plaine des Cafres avec du vent qui soufflera sur la partie nord-ouest de l'île, sur la Grande Chaloupe jusqu'à Saint-Paul et puis de l'autre côté, du côté sud-est, entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. Une dégradation qui est due à notre pote Bransby. Bransby qui est au sud-ouest de la Réunion. Un système dépressionnaire dont à l'avant il y a un petit front et puis ce petit front instabilise un peu la masse d'air. La météo avec Sirius Réunion, chauffe-eau solaire nouvelle génération. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Mais bon, on est quand même là. Hein. Oui, nous, on est très stable le matin. Bransby, pas Bransby, ouais. Nounou, les là, nous. Alors, on ça va bien. Jusqu'à 8h, ça va très bien. Et c'est toi chouette ça. Tranquille pour un jeudi. Ouais, c'est pas mal. Oui, pas mal. Enfin, malgré la pluie quand même. Hein, donc, Mais il faut faire avec, côté. Mais si après, tu vois, on a un peu de pluie, mais on a ce beau soleil qui pouac, c'est bien. C'est ça. C'est ça, on espère en tout cas. Bah, c'est pas pour aujourd'hui, hein, pas vraiment. Pas pour aujourd'hui. Par contre, par exemple, dans les airs, eh bien, les horizons s'éclaircissent avec. Ça s'ouvre. Ah oui, ces billets d'avion là, qui sont moins chers. Bon, par contre, après, c'est limite avion militaire, hein, mais bon, limite vous prendrez le Transal parce qu'il n'y a pas de repas, il n'y a pas de. Tiens, amène ton sandwich, n'a pas de valise. Il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de valise. Bon, voilà, vous êtes pris en charge par l'armée, mais c'est pas mal. Oh hein, c'est pas mal. Au bout du compte. Mais c'est très bien. Ah. C'est très bien qu'il y ait les billets. Après, vous choisirez la compagnie dans laquelle vous avez le plus de confort. Si le confort vous en foutez, et ben c'est bien. Voilà. Et puis, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a peut-être un petit clin d'œil à Roland Garros. Bah oui, parce que Roland Garros, c'est l'aviateur réunionnais qui était lieutenant pilote pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Et qui, donc, hier. On fêtait, on célébrait la disparition de Roland Garros. Et puis aujourd'hui, c'est sa naissance. Alors c'est assez marrant parce que Roland Garros, un jour d'intervalle, il a disparu, puis ensuite il est né. Que Philippe Dornier posera la question à Jean-Paul Dubreuil, le fondateur et président du groupe Dubreuil, qui est propriétaire de la compagnie Fly Blue. C'est à 7h15. Est-ce qu'il y a un clin d'œil à Roland Garros? Je sais pas. Enfin, nous, on parlera d'avion tout à avant 5h30. C'est sûr. Et puis, on parlera aussi. On n'ira pas en avion, mais. Non. On parlera du marché, notamment. Coucou Prisca. Salut Prisca. Coucou les amis, ça va? Et où même? Ça va. Et est-ce que vous pourrez demander à Jean-Paul si on peut emmener la barquette de rougail saucisse dans l'avion? Jean-Paul Dubreuil, est-ce qu'on peut emmener son barquette? On va voir. On va essayer de lui poser la question. Imagine là-haut, tout le monde met un barquette là-dedans, mais il n'essaie pas où l'odeur, quoi. Alors, pas de siège, pas de couverture, pas de repas. Mais j'ai la barquette. J'ai la barquette, rougail saucisse. Pas de siège, rigole, il y aura un siège quand même. Quand même. Et il y a des parachutes ou pas? Gare, arrête de déconner, grand matin là. Bon, on va aller au marché foraine Brapanon. Bah oui, c'est jeudi, c'est Brapanon aujourd'hui. Bon, bah, allez, bon, le temps, les commandes. Bichique. Ouh là là. Écoutez, j'en ai vu moi sur le marché forain de Sainte-Suzanne. Ouais. À 75 euros le kilo. Ah ouais, quand même. Ouais, ça calme. Bon. Oui, ça calme. Je préfère payer un billet d'avion. Plus fin d'un coup. Même sur le Transal. Bon, en tout cas, côté temps, c'est la soupe à la limace. C'est un temps à pas mettre un macabre dehors, quoi. Ouais. Exact. C'est chaud. À tout à l'heure, alors. Ouais, abritez-vous bien, Prisca. Bisous. Allez, à tout à l'heure, 6h moins le quart. Allez, bye bye. À tout de suite pour l'horoscope de Juliette. Culture première, Jean-Paul Mélade. La place de la femme dans les contes créoles. Si ça t'y trouve, mon lémé, Kossa, Zanepodiali. Toutes histoires, Nena, La Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte. On a de plus en plus de monde raconte l'histoire, La Réunion. De la programmation au bambou et de celle de la Cité des Arts. Bienvenue dans ce magazine culturel. Culture première, tous les jeudis à 18h15 sur Réunion Première. Première. Et nous sommes déjà le jeudi 6 octobre. Kossa l'a fait, le Bonne Planète, Kossa est réserve à nous. On pose la question à Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour à tous et à toutes, c'est moi. Eh oui, vous savez ce qui va se passer tout de suite sur votre radio préférée. Nous fêtons les Bruno en ce 6 octobre. Bonne fête. Voici les prévisions astrales de la première tout de suite. Bélier, si vous êtes en couple et que votre partenaire désire changer de travail, essayez de l'encourager. Taureau, vous vous fixerez des objectifs et vous prendrez des contacts audacieux. Gémeaux, charme, initiative et fantaisie, vous ne manquez pas d'atouts. Cancer, essayez de changer ce qui peut encore être changé. Lion, beaucoup d'énergie et d'optimisme en cette journée pour l'ensemble du signe. Vierge, de nombreux sourires bienveillants autour de vous vous portent. Balance, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde, sachez-le. Scorpion, vous vous dispersez, mais ce sera pour la bonne cause. Sagittaire, vous allez apprécier la complicité de vos amis proches en cette journée. Capricorne, il va falloir clore un chapitre, et si vous pouvez, faites-le vite. Verseau, bonne entente côté professionnel avec les taureaux si vous en avez dans votre entourage proche. Poisson, on termine par vous, il va falloir mettre les bouchées doubles, si vous voulez venir à bout de tous vos dossiers. Belle journée. Merci Juliette. Juliette. On a compris que c'était toi. Bonjour, c'est moi. Bienvenue. Bonjour, c'est moi. Et toi, Mickaël, bonjour, c'est toi. C'est nous. Moi, c'est nous. Nous sommes dans Grand Matin. Et bienvenue. Alors, allons donc maintenant sur les hippodromes. Bah oui, c'est et lui. Hein. Nous, ah oui. Bah oui. Et nous filons à Merlet-du-Maine. Merlet-du-Maine. Merlet-du-Maine. Waouh. Non mais alors, je en même temps, c'est pas l'hippodrome. Mais t'es écrit en espagnol aussi, voilà, faut dire. C'est ça, oui, voilà, c'est mal écrit. Dire, hein. Bon. Bon, mal écrit, non, écrit en espagnol. Ouais. Positif, toujours positif. Bon, bref, à Mêlée du Maine ou Merlée du Merne, eh bien, il fallait jouer le 8, le 9, le 6, le 11 et le 13. 8, 9, 6, 11, 13, numéro plus gagnant 00 93. Si ça n'a pas marché à Mêlée du Maine, peut-être que ça va marcher à. Ah, bah oui, ça marchera mieux là, parce que je connais Fontainebleau. Peut-être ouais. Le prix Roland Fougedoire. Avec 18 partants, 1200 mètres à parcourir, 1 million d'euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première qui vous conseille le 5, le 7, le 11, l'As, le 2, le 4, le 3 et le 17. 5, 7, 11, As, 2, 4, 3 et 17. Et n'oubliez pas pour que le jeu reste un plaisir. Jouons responsable. Pronotique, ça me fait penser aux produits pour les chiens, là, quand ils ont des puces. Là. Pronotique. Pronotique. Ouais. Éthique. Ah ouais, ouais, ça me fait penser d'accord. À ça. D'accord. Bon. Tu fais des bizarres associations. Dites-les le matin, louche, toi. Non, parce que le chien de la voisine a des tiques. Ouais. Eh ben, on est bien ravis. Bah oui, bah super. Et sinon, ton oncle, ça va? Bah ouais, ça va très bien. C'est moi. Bonjour, c'est moi. Bonjour. De Mouni Foule dans le grand bazar, bouillon la son ou la gogo, ou bandalon, il saute danser. Loulou Pitou, Maxime la hop, Gilles Alanda et Kumadori. L'orchestre en cuivre n'est pas trop loin, il donne le grain dans le salon bal. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, séga aussi. Dans le cœur, rayonné, tiroir, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, séga aussi. Côté bois rouge, dragon chinois y impressionne. Dans la prière, dans la mosquée, Jaco Malba fait grand marmaille. Gramoun lélé, vieux main virie. Toutes les entrances dans un cabar. Marmaille caté devant l'église. Y jouait canette quand à la porte. Paquet, paquet, paquet, Maloya. Sec, séga aussi. Dans le cœur, rayonné, tu vois. Ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya. Sega aussi, dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Dans nos racines, Maloya Sega, les mélanger comme nous couleur et nous coutume. La panne, les petits forblottes, les dés ensemble, ils donnent paquet. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, Sega aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Le son de Ticaré avec Paquet Maloya. Aujourd'hui, on vous avait dit, hein, c'est l'anniversaire de Roland Garros. Roland Garros qui est né. Ouais, bah là, c'est mieux. Allez, on y va. Allez, 6 Roland, octobre. Roland Garros est né un 6 octobre 1888. Bah où à Saint-Denis de la Réunion. Ah oui, forcément. Bah c'est l'actu bah du oui. jour. Évidemment, c'est l'actu du jour à 5h22. Ah bah alors prenons l'avion alors. Bah prenons l'avion. Allez, nous ce qu'on a décidé en fait de faire ce matin, c'est de s'intéresser aux histoires insolites un peu qui sont passées en avion. Alors c'est vrai que là où il y a la nouvelle compagnie, alors on a dit hein, bon bah le confort sera un peu moins, hein, pas de couverture, pas de repas, mais normalement on ne vous demandera pas de pousser l'avion. Normalement non. Normalement. Mais non. Certains passagers, on l'a fait apparemment. C'est ça, eh oui, ça s'est passé il y a 2 ans sur l'aéroport de Sibérie où les 81 passagers eh bien, ont dû pousser l'avion de 90 tonnes qui devait donc décoller. Pourquoi ? Bah parce que la température extérieure était de moins 40 degrés et du coup, eh bien, le train d'atterrissage de l'avion avait gelé. Résultat des courses, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, tu sors de l'avion et tu pousses, mémé. Ah oui, bah dans ces cas-là, oui, il vaut. Après, tout s'est bien passé, un bon arbre rentre dedans et l'avion est reparti. C'est déjà important. Tiens, on parlait de confort tout à l'heure. Bah, il n'y a pas que les passagers qui veulent du confort. En janvier 2012, les pilotes d'un vol intérieur reliant Halifax à Toronto, au Canada, ont décollé avec 4 heures de retard. À cause de qui ? À cause de quoi ? À cause d'un chat, d'un voyageur qui s'est échappé de sa cage. Pauvre animal était introuvable durant les recherches. Il s'était en fait blotti derrière les appareils électroniques du cockpit, le malin. Il cherchait sans doute un endroit chaud et calme pour dormir. Bah lui aussi, il s'est dit, pourquoi moi la soute, quoi ? Moi, j'aime bien le cockpit. Sinon, le confort, on en parlait, c'est hyper important, le confort. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas passer. Par exemple, disons après couveillette, alors, tant pis, disons, d'accord ? Si il y a point papier cabinet dans le l'avion. Aïe. Ça peut poser un problème. Et malheureusement, ça arrive. Et c'est arrivé sur une compagnie américaine. Imaginez la scène, 400 passagers dans l'avion, 8 heures de vol à venir. Et là, à 11 000 mètres d'altitude, on se rend compte que quoi ? Qu'on a oublié le papier cabinet là-bas sur le tarmac. Plus de papier cabinet. Ça a été la catastrophe. Résultat des courses, tout le monde essayait de choper les serviettes, tu sais qu'on donne là pour le petit goûter, les machins, les trucs. Ouais. Donc ça a été un vol très très compliqué. On imagine. Pareil, c'est arrivé à Washington également. C'était l'année dernière. Là, on s'est rendu compte en plein vol que les toilettes ne marchaient plus. Aïe. C'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Alors le vol tourne au cauchemar. Si vous n'avez plus de papier et qu'en plus il y a une épidémie de gastro. Entre Santiago et Sydney, un vol a viré au calvaire lorsque des dizaines de passagers visiblement atteints d'une gastro-entérite ont été atteints de vomissements et de diarrhée. Petit déjeuner si vous êtes au petit-déj, mais vous imaginez un peu la scène quand même, c'est fou. Bon, après, il y a des belles histoires aussi. Il y a des gens qui se rencontrent en avion. C'est ça. Alors, qui atteignent peut-être des fois le 7e ciel, parfois. Pas tout le temps. Non, en fait, il dépend comment on voit les choses. C'est l'histoire de ce Chinois. Il a 40 ans, il prend l'avion, le vol dure un moment, d'accord. Et là, à côté de lui, il y a une superbe demoiselle, magnifique, beautiful. Bref, le boug a un coup de cœur. Sauf qu'il est super timide, il se trouve pas beau, tout ça. Donc pendant 11 heures de vol, il bouge pas. Il bouge pas parce qu'il veut pas la déranger, il veut pas passer pour le gros lourd à côté, etc. Pourquoi ? Pardon. Eh bien, c'est qu'arrivé à destination, il était impossible pour lui de se lever de son siège, même bouger un petit doigt de pied. Évidemment, là, le personnel de bord est arrivé. Le monsieur perd connaissance. On l'amène à l'hôpital. Quoi l'arrivée ? Eh bien, en fait, il s'est déclenché une thrombose veineuse profonde. Ça s'appelle aussi le syndrome de la classe économique. Un problème, en fait, de circulation dû à une position statique. Donc, l'arrêt sans bouger, assise trop longtemps. Ah, je pensais qu'il avait un autre problème, problème dans le pantalon. Ça peut entraîner une embolie pulmonaire et même mener à la mort, mais heureusement, lui, il allait bien. Par contre, il n'y a pas gagné du tout le numéro de téléphone de la demoiselle. C'est dommage. Peut-être que la demoiselle était trop occupée aussi. D'ailleurs, une passagère d'un vol reliant Stockholm à Split en Croatie se souviendra longtemps d'un grand moment de solitude. En juin dernier, alors qu'elle franchissait les portiques de sécurité, son vibromasseur s'est déclenché dans son sac, ce qui a alerté la sécurité aéroportuaire et a entraîné un retard au décollage de son avion. Et vous imaginez bien qu'elle n'est pas restée inaperçue. Et là, tu gagnes pas du tout la honte. Non, pas du tout. Après, elle a le droit, mais il faut qu'elle fasse gaffe parce que ça, forcément. Mets ton soute. Voilà. Mets ton gars dans soute. C'est mieux. Et puis, tu te fais plaisir après. Kids United. Imagine sur la première. Bon réveil. You Kids United avec Imagine sur Première dans toute la Réunion. On vous attend sur le 06 92 70 2000 ce matin. Envoyez-nous votre petit message et puis n'hésitez pas aussi à liker la fanpage de Facebook. Il se passe plein de choses sur cette page. Il y a des photos, il y a des vidéos, il y a vous aussi et surtout vous. Et comment vous faites d'ailleurs pour liker la page fan? Bah vous allez sur Grand Matin, G-R-A-N, un peu plus loin matin. Il y a marqué j'aime à un moment donné, et tu vois, vous... avec un petit pouce. Et parmi tous vos j'aime, peut-être un ou une d'entre vous repartira avec un week-end à Sillaos demain dans un hôtel 3 étoiles. Eh oui, tirage au sort demain. Une nuit en chambre double. Oui, déjà demain. Mais il faut te dépêcher là où t'es. Donc on se dépêche de liker la page fan et d'envoyer des messages au 06 92 70 2000. C'est sûr, vous savez tout maintenant. C'est l'heure du journal sur la Première. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Le danger requin était-il bien signalé sur la plage de l'étang Salé le jour de l'attaque mortelle de Talon Bishop? Non, pense la famille de la jeune fille. Elle porte plainte contre la mairie. Nous entendrons le maire Jean-Claude Lacouture. 20 ans de prison pour le petit père, 4 ans pour la maman de Kélan. Le bébé était mort suite aux coups répétés. Le principal accusé compte faire appel. Une nouvelle compagnie aérienne débarque à La Réunion. Des vols low cost vers Paris promet-elle dans des avions tout neufs. Nous entendrons le PDG de French Blue, Marc Rocher. Et puis un anniversaire. Les 70 ans de la départementalisation, réflexion, analyse et projection dans l'avenir. 70 ans, l'heure du bilan, pourrait-on dire pour le département. Reportage dans ce journal. Le maire de l'étang Salé a-t-il une responsabilité dans la mort de Talon Bishop? Talon Bishop, c'est cette jeune fille de 22 ans attaquée par un requin le 14 février 2015. Sa mère estime que les panneaux signalant le danger requin étaient insuffisants. Elle a déposé une plainte au pénal, une plainte pour homicide involontaire et mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Le maire de l'étang Salé, Jean-Claude Lacouture, se défend au micro de Patrick Smith. La police municipale intervient régulièrement en visite, surtout pour voir si tous les panneaux sont en place, parce qu'il y a un risque requin qui existe. Et nous sommes sur le coup d'un arrêté préfectoral qui nous exige de notre part de la vigilance et surtout il faut que nous prenions nos précautions. Alors donc on se demande vraiment qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, d'autant plus que nous avons mis les panneaux, nous avons fait le nécessaire. Jean-Claude Lacouture, le maire de l'étang Salé, ce n'est pas la première plainte déposée suite à une attaque de requin, que ce soit devant le tribunal administratif ou au pénal. Ces démarches n'ont jamais abouti. Cette fois, c'est le procureur de Saint-Pierre qui devra se prononcer. Aux assises, 15 ans de prison avaient été requis à l'encontre de Stéphane Bocage, accusé d'avoir tué le petit Kélan 23 mois à force de violences quotidiennes. Mais la cour et les jurés ont décidé d'aller au-delà. 20 ans de prison, c'est la peine énoncée hier contre le typer violent. Son avocat, maître Michael Nativel, a annoncé hier l'intention de son client de faire appel. Autre prévenue à la barre, Coralie Francôme, la maman de Kélan. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour non-dénonciation des actes et non-assistance à personne en danger. Pour maître Nathalie Cintra, son avocate, c'est une peine qui s'ajoute à la douleur d'avoir perdu son enfant. La peine est sévère, 4 ans de prison. Néanmoins, je pense qu'elle a été entendue, elle a été comprise, puisque la peine a été assortie d'un sursis pour moitié, ce qui veut dire qu'elle pourra, devant le juge de l'application des peines, éventuellement demander à bénéficier d'un aménagement de sa peine. Donc c'est une peine qui est sévère, c'est pas le maximum qui avait été requis, ça reste une peine sévère, mais elle a été entendue. Qu'est-ce qui se passe pour elle, là, juste après ce procès? Elle est enceinte de 9 mois, donc là, sa priorité, c'est de donner naissance au bébé, de l'accueillir dans les meilleures conditions. Après quoi, pendant son contrôle judiciaire, elle a suivi des formations, elle a commencé à travailler. Après la naissance du bébé, quand elle sera remise, sa priorité, c'est effectivement de travailler. Mais elle va purger quand même ses 2 ans de prison ? C'est le juge de l'application des peines qui décidera s'il y a lieu ou non d'aménager sa peine. Maître Nathalie Cintra, l'avocate de Coralie Franco, interrogée par Johan Adamadorassi. C'est aujourd'hui que se termine l'enquête publique sur l'exploitation d'une carrière à bois blanc. Les opposants ont su se mobiliser dimanche dernier. Parmi eux, les maires des villes concernées, à savoir les Avirons, l'étang Salé et Saint-Leu. En colère, Thierry Robert avait affirmé qu'il n'accueillerait pas les commissaires enquêteurs dans sa mairie. Mais hier après-midi, les deux fonctionnaires étaient bien présents, installés dans les locaux du service de l'urbanisme. Ils ont reçu les administrés peu nombreux. Parmi eux, Mathieu Gonneau, médecin généraliste à l'étang Salé et porte-parole d'un collectif qui tient à dénoncer les risques sanitaires qu'engendrerait l'exploitation de cette carrière, et ce, malgré un projet modifié. Le projet, effectivement, n'est plus tout à fait le même, mais il n'y a pas suffisamment de données qui permettent de dire que les répercussions sanitaires seront différentes. Alors, les risques, c'est tout d'abord les poussières minérales, hein, qui vont être transportées notamment par le vent et qui exposent les 55 000 riverains des trois communes exposées. Bien sûr, il y a le risque lié à la pression acoustique des tirs de mines, le risque inhérent à l'augmentation du trafic routier et le risque explosif lié au stockage de nitrate d'ammonium sur le site. On attend que le préfet prenne pleinement sa responsabilité et exerce son devoir de précaution par rapport à cette carrière. Mathieu Gonneau, porte-parole d'un collectif contre la carrière de bois blanc. Il était interrogé par Suzette Emma. Dans l'actualité également, l'arrivée d'une nouvelle compagnie dans le ciel de la Réunion. French Blue a programmé son premier vol pour le 16 juin 2017 et les réservations sont d'ores et déjà ouvertes. French Blue se positionne sur la tranche low cost. Le prix d'appel, c'est 249 euros pour un aller simple vers Paris sans bagages en soute. Objectif pour French Blue, capter 20% du marché. La filiale du groupe Dubreuil a investi dans deux appareils. Deux Airbus A350 pour une valeur globale d'environ 215 millions d'euros. Marc Rochet, le PDG de French Blue, au micro de Jean-Régis Ramsamy. Aujourd'hui, on pourrait faire une opération qu'avec des Airbus A330 et c'est d'ailleurs le premier avion qu'on va faire voler sur la Réunion le 16 juin de l'année prochaine. Mais évidemment, fin juillet, il y a le 350 qui arrivera. C'est l'avion le plus moderne qui existe de la flotte Airbus. C'est l'avion qui a le maximum de technologie et de confort. C'est un avion pour 20 ans. C'est un avion qui consomme moins, donc on se prépare au futur. Il est un peu plus gros, plus confortable. La pressurisation cabine, l'humidité, le bruit sont différents. Donc on a voulu à la fois utiliser les avions Airbus que nous connaissons et que nous exploitons et en même temps investir sur les appareils les plus efficaces. Nous serons la première compagnie française à mettre en ligne l'A350 dès 2017. Marc Rochet, le PDG de French Blue. Jean-Paul Dubreuil, fondateur et président du groupe Dubreuil, propriétaire de la compagnie French Blue, sera l'invité de la matinale ce jeudi sur Réunion Première. Il répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. En bref, un débrayage pour dire non aux violences dans les lycées professionnels à l'appel de plusieurs syndicats. Les personnels de ces lycées sont appelés à cesser le travail une heure ce matin. Ils demandent à être entendus et à travailler dans des climats plus sereins. 5h37 sur la Première. La suite du journal, Cécile Thomas. Quels enseignements retenir de la départementalisation? Quel chemin parcouru depuis 1946, année où la Réunion accède au statut de département français? En 70 ans, l'île a tourné le dos à la famine, mais pas à la pauvreté et au chômage. Pendant deux jours, hier et aujourd'hui, universitaires, personnalités politiques, économiques se penchent sur les 70 ans passés avec l'ambition de construire l'avenir. Daniel Dambreville a rencontré Albert Ramassamy et Paul Vergès, deux acteurs de cette départementalisation. Le sénateur socialiste Albert Ramassamy a été un ardent défenseur de la départementalisation. 70 ans après sa mise en place, il dresse un bilan. Elle n'a pas réglé tous les problèmes, mais a permis l'amélioration de l'habitat et du confort des Réunionnais, surtout leur a apporté l'école pour tous. Au temps de la colonie, mon instituteur, il me voyait comme un coupeur de canne ou un cultivateur. La départementalisation a fait de nous des professeurs, des proviseurs, nous a apporté ce qui était nécessaire à l'évolution, indispensable à notre transformation, c'est-à-dire l'éducation. Ces 70 ans de marche vers la modernité et l'égalité ont bien profiter au département, mais le sénateur Ramassamy a une énorme interrogation pour l'avenir. Je trouve qu'on va vers une surpopulation et on enlève les terres agricoles, donc où on va ? Où va-t-on ? C'est aussi la question posée par Paul Vergès. Pour le sénateur PCR, 70 ans de départementalisation n'ont pas donné l'égalité aux Réunionnais. La future loi sur l'égalité réelle la promet aujourd'hui dans 25 ans. Paul Vergès n'y croit pas. Dans 25 ans, nous aurons 150 000 habitants de plus. Nous en sommes actuellement à près de 30% de chômeurs. On a 42% de la population sous le seuil de pauvreté. Et en même temps, dans notre environnement, tout va changer. Vous avez une classe politique qui ne voit que l'immédiat. Après 70 ans, malgré le chemin parcouru et les acquis obtenus, la départementalisation laisse à ses artisans un goût d'inachevé. Daniel Dambreville, les 70 ans de la départementalisation, c'est encore au cœur d'un colloque aujourd'hui au département. Du sport avec du judo, la réunionnaise Laetitia Payette est actuellement dans l'île en vacances pour se ressourcer. Elle tente d'oublier la déception de Rio, JO. Hier soir, elle est allée à la rencontre des judokas de l'île. Séance grand public au dojo de Champfleury en compagnie de Cyril Marais, médaillé de bronze, lui, au JO de Rio. Laetitia Payette, la déception de Rio est-elle vraiment oubliée? Oui, oui, on a pris beaucoup de recul et puis aujourd'hui, bah, on est là à La Réunion, en vacances, avec la famille. Donc voilà, on a relativisé. Comment devenir champion, championne jusqu'à participer à des JO? Que répondez-vous? Bah, qu'il faut travailler dur et puis voilà, chaque jour, en se levant, il faut savoir où on... ce qu'on veut, où on va et travailler très très dur. Lors de ce genre de regroupement ouvert au plus grand nombre, qu'est-ce que vous voulez insuffler, montrer? C'est surtout un plaisir d'être ici, partager notre expérience avec les plus jeunes. Et voilà, donc c'est pour ça que bah, avec les questions, donc les plus jeunes, on peut leur montrer par où on est passé, à quel âge on a commencé, comment on a fait pour en arriver là. Et donc le principal pour nous de partager nos valeurs. Laetitia Payette qui était au micro de Johnny Lérivain hier au dojo de Champfleury. Merci Cécile, retour de la formation à 6h avec Florent Marot. À 6h30, à tout à l'heure. Il sera là tout à l'heure, bah oui. 5h40 sur La Première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et des averses ce matin du port à Saint-Philippe. Comme cette nuit, comme hier soir d'ailleurs, on reste sur la même lancée. Et ce temps maussade va durer une bonne partie de la journée sur ces régions. Partout ailleurs encore ce matin, du côté de Saint-Paul ou en allant vers le sud-ouest plus. Saint-Gilles, Étang-Salé, Saint-Pierre, le cirque de Sillaos ou encore la plaine des Cafres et le Tampon. Ça va mieux tout de même de ce côté-là. En tout cas, on n'a pas de pluie ce matin et on devrait avoir quelques éclaircies encore sous... Dans ces régions. Puis progressivement, eh bien, le temps maussade va s'étendre à une bonne partie du département. On pourrait avoir quand même des éclaircies dans Saint-Pierre et Sillaos. Et les pluies vont s'intensifier cet après-midi, surtout sur la partie est, sur Saint-Denis, la région de Sainte-Rose ou encore la plaine des Palmistes et le cirque de Salazie, avec du vent qui va souffler sur le nord-ouest du département entre Saint-Denis et entre la Grande Chaloupe plus précisément et Saint-Paul, et de l'autre côté entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, comptez 50 à 70 km/h sur les hauteurs exposées comme la plaine des Cafres. Température en baisse sous les nuages après les belles valeurs d'hier qui ont approché les 30 degrés sur le littoral. On aura entre 25 et 27 aujourd'hui sur la côte et 13 degrés au volcan, 16 à la plaine des Cafres. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. 5h42, oui. Jeudi 6 octobre. Ça, c'est sûr. Bienvenue à tous si vous réveillez. On est d'accord. Avant 6h, on joue. Eh oui, à gagner, là, c'est sûr, cette fois, les dernières invitations pour le concert Enfants Zillois. Petit stade de l'Est demain. C'est demain, ouais. C'est Gaël. La langue n'a point le zoo. Séguel, Côte-Simoin sur Première. Dans Grand Matin, vous y êtes bien, restez-y, il y a du monde déjà sur le 70-2000. Côté oui, Banéna Adrien, que l'a avec nous n'importe quelle heure tout au long de la journée. Il dort Adrien, des fois tu dors Adrien. Mais lui doit dormir, mais avec la radio, c'est bien ça Adrien. On vous fait un gros bisou, on vous souhaite un bon réveil avec nous. Puis on embrasse Nadine également, qui a envoyé son message au 70-2000. Et bonjour à Fabrice aussi sur Facebook, la pluie est de retour. Voilà, vous êtes déjà bien au rendez-vous ce matin. C'est bien. On va jouer dans un instant, et puis bien sûr, on va filer... sur le marché avec Prisca. Ça même. Allez. Même. Envie de booster votre carrière ? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi, cheval qui rit, à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. CarWest informe ses usagers que son réseau de lignes régulières évolue. Pour toute information, www.carwest.re ou le numéro Azure 0810 45 65 20. La région Réunion lance le Pop Nouvelle Génération. Let's go ! Le Pop 2. Pop 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon pop est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. Pop 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon pop 2 ? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionreunion.com. Première. Il est 5h47. Prudence sur les routes. Oui, justement, on va rejoindre Yves Grouillet. Yves, bonjour. Dites-nous ce qui se passe. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Donc un accident s'est produit sur la route des Tamarins il y a à peu près un quart d'heure, un gros quart d'heure. En à peine un quart d'heure, on a déjà plusieurs kilomètres de bouchons. Ça se passe à hauteur de la Grande Ravine. Trois véhicules sont impliqués en direction du nord, forcément, puisque c'est là où le trafic est le plus important. Malheureusement pour vous, donc une circulation compliquée. Donc Grande Ravine, ça veut dire au-dessus de Saint-Leu, vous avez toujours la possibilité de sortir au niveau des colimaçons, donc RD12, pour reprendre le littoral en bas et rejoindre donc une partie de l'ancienne route nationale, la route des plages, parce que donc la circulation a l'air d'être compliquée. Peut-être un arrêt complet de la circulation, mais j'ai pas tout à fait l'information encore pour le moment, puisqu'il n'y a pas de caméra sur place et la patrouille n'était pas encore arrivée sur le site. Voilà, donc trois véhicules impliqués, circulation très compliquée dans le sens sud-nord actuellement, à hauteur de la Grande Ravine. Merci beaucoup. Sur la route des Yves. Tamarins, donc. Oui, hein. Voilà. Merci Yves. Les inforoutes, c'est sur Réunion Première. Voilà, et si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message au 70-2000. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Pour le moment, halte à Brapanon. Allez, avec Prisca. Un peu de douceur. Oui, il faut son parapluie. Hein, il est venu au marché forain de Brapanon. Bon, la pluie a cessé. Et Jismi, il est en retard. Il est un peu grognon ce matin. Il bougonne. Mmh. Mais vous savez quoi ? Il a envie de vous proposer un quiz salade. Ah. Pour voir si nos amis de Grand Matin ont un peu suivi. Oui. C'est un peu comme une interro surprise. Aïe, aïe, aïe. Oui, parce qu'on nous a présenté des salades pendant quelques jours, là, et bon, il faut peut-être qu'on y aille. Interro. Ouais, interro. Bon, bah, allez, c'est ça. Il faut au moins avoir 3 points. D'accord. Allez, on essaye. Tout le monde peut jouer, hein. Allez, on joue. Si vous êtes dans les embouteillages, vous pouvez jouer par SMS au 06 92 70 2000. C'est dur. Les salades de La Réunion. Ouais. Allez, envoyez. Jismi, bonjour. Bonjour, Jismi. Ça va? On est chaud là. Ça va. Vous avez ramené les salades. Ah, c'est pas, on joue pas encore. Okay. Ben non, on joue pas encore. Ah bon, ok. Ah, j'avais tapé sur le beeper. Enfin, le beeper. Attendez le top chrono. D'accord. Ok, c'est bon. Top chrono. Alors, top chrono. Je suis ronde avec les feuilles longues. Ma couleur peut être verte. Batavia. Non. Rouge ou verte. Alors. La sucrine. Non, je donne tous mes trucs de... Une salade. Non, un chou. Attendez. C'est une grande salade. Ah bah c'est ce que je disais, une grande salade, j'ai gagné donc. Voilà. Non, vous avez le choix entre la langue de bœuf et la langue de belle-mère. La langue de belle-mère. Bœuf. Ah bah tout faux pour Mickaël. Hein. La langue de belle-mère, c'est la plante. Vous savez, la salade, c'est la langue de bœuf. Voilà. Un point pour Isa. Bon, allez, on continue. En l'air. On continue. Allez, ma couleur peut être rouge ou verte. Oui. J'ai les feuilles frisées. La frisée. Non. Faut taper fibée. Sur le buzz. Zéro pour Isabelle et zéro pour Mickaël. Oh là. C'était quoi, Jismi? La Lolo. Ah bah oui. Ah bah oui, forcément. La Lolo, j'en mange tous les jours. La Lolo. Bon, allez, on continue. On va voir. Allez, dernier prise. Attention. Dernier pour la route. Attention. J'ai les feuilles dentelées. Mais ouais. C'est tout. À sucrine. Non. Et c'est quoi? Vert foncé. Ah, j'ai les feuilles dentelées et vertes foncées. Oui. Mickaël. Oui. Dernière chance pour Mickaël. En hiver, elle peut faire un chou. En hiver, elle peut faire un chou. Elle peut faire un chou. Indication de Jismi. Mickaël, Isa. Quoi? Les gens. Ça commence par quelle lettre? Ça commence par quelle lettre? Allez. Ah ben c'est. On joue pas au pendu là. Bon. C'est un mot composé. C'est un mot composé. Oui. Bon. Et non, on triche pas sur internet, toi. Bon. Oh là là, le tricheur. Laisse tomber, il triche. La salade dentelée. Non. Mais non. Allez, j'ai fini la réponse. Reine des glaces. Ah bah oui, la reine des neiges. La reine des glaces. Bravo. Je ne mentirai plus jamais. Elle a gagné quoi? Une salade. Elle a gagné salade quoi? Une salade. Ah ouais, bravo. Super. Allez, vous pouvez retirer votre cadeau, Isabelle, entre 9h et midi. Eh ben elle est bon. Même à l'y trapper. Pour Mickaël, vous aurez un lot de consolation. Ah quand oui, même. Quand même. Hein, un salade Lolo Pouli. Voilà, une Lolo. Une Lolo, ouais. Allez. Allez, on vous attend. Merci. Allez, merci Prisca, merci Jismi. Bisous. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, on ne mixe pas les fruits comme chez vous, mais nous on mixe les hits. Grand matin, le mixeur. Avec DJ Fou, les toutes dernières places, elle l'a dit Isa tout à l'heure, pour ce concert événement avec Réunion Première, Enfants Zillois, Désiré François, L'Indigo, Cassia, plus de 3 heures de show, c'est pour vous. Oui. 0262 99 2000. Faut juste nous donner la bonne réponse, nous dire qui ça y chante, que ça y chante, le titre de la chanson oui. Pour ce mix. Un des de deux, jeudi. Hein, titre oui, ou artiste. Casse pas la tête. Never mind. Oh, facile. Someone like you. I wish nothing but the best for you. Facile. Ah, bah, facile aussi. Ah, oui. Je de la maman. Enlever tout le reste. Même la chose de ce geste. Allez, on est parti au standard. Bientôt. Oui, ton chouchou surtout. Il a 20 ans, hein, je te rappelle. Ah oui, c'est pas mon chouchou. Bon, allez, on va sur la ligne one, number one. Bonjour, bonjour. C'est qui? Allô? Ah oui, il faut baisser la radio derrière. Oui, c'est Zot. Bonjour. C'est nous. Bonjour. Salut. C'est qui? Faut nous éteindre la radio, non? Bah oui, c'est mieux comme ça. Au moins, Nani suivent. Nous écoute, allez, c'est qui à l'appareil? C'est Brice de Saint-Anne. Salut Brice. Comment ça va du côté de Saint-Anne? Il pleut? Qu'a dit votre petite femme derrière? Ah, c'est ma tati. Ah, c'est votre tati. Tati. Ah, c'est tati. Ouais. La tati, l'en l'air, hein, tati. Bon, tati et Brice, qui a chanté alors? Elle nous fait du covoiturage. C'est bien, bravo. C'est important pour l'écologie. La planète, il remercie Azote. Voilà. Oui, on est à 4 dans l'auto là. Les matins en mode, hein. Alors Brice, c'est quoi la bonne les réponse? Les artistes. C'est Adèle et Kenji Girac. Eh ben c'est parfait, allez, bravo. C'est pour vous. Vous irez cadencer. Au Crasé petit Maloya. Stade de l'Est demain soir, concerts enfants Zillois, Cassia, L'Indigo, toutes les pousottes. Ouais. Salut la compagnie. Ouais. Salut la famille. Bye bye. Je suis la famille. Alors, allez, bye bye. Yeah. 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Témir Jules Antonin. Témir Jules Antonin, dit Gilo. Le décès survenu dimanche à l'âge de 87 ans. Un recueillement se tient à son domicile 23 chemin Ancelli à Sainte-Thérèse à la Possession. La bénédiction aura lieu aujourd'hui 15h en l'église de Sainte-Thérèse, suivie de l'inhumation cimetière de la Possession. Décès de Madame Naya Gomes Scholastique. Madame Naya Gomes Scholastique. Le décès survenu hier à l'âge de 81 ans. La veillée a lieu au domicile 278 Chemin Boeuf à Ravine-des-Cabris. L'heure et le jour des obsèques seront communiqués ultérieurement. Décès de Madame Gigant Rita Lucille. Madame Gigant Rita Lucille. Le décès survenu lundi à l'âge de 87 ans. La veillée se tiendra au centre funéraire de la ligne Paradis à partir de 14h cet après-midi. La bénédiction aura lieu en la chapelle du centre funéraire à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Monsieur Rabouille Dominique. Monsieur Rabouille Dominique, le décès survenu mardi à l'âge de 81 ans. La veillée a lieu au funérarium de Prima. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 9h30 dans la chapelle de Prima, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès Madame Armino Ernestine. Madame Armino Ernestine, dite Tina. Le décès survenu dimanche à l'âge de 76 ans. La veillée aura lieu au centre funéraire de Prima demain. La bénédiction aura lieu à 15h demain, vendredi, à Prima, suivi de l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Décès de Monsieur Nalem Gabriel. Monsieur Nalem Gabriel, le décès survenu hier à l'âge de 67 ans. Le convoi mortuaire sortira de chez Monsieur Jean-Baptiste Marc au 8 Sidex Sentier Jean-Baptiste, commune Caron à Sainte-Suzanne. Aujourd'hui à 14h, la bénédiction ralliant l'église de quartier français à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Suzanne. Décès de Vabois Régine. Vabois Régine, le décès est survenu lundi. Une veillée a lieu au centre funéraire à partir de 10h. Aujourd'hui, la bénédiction aura lieu à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Les infos pratiques, Mickaël. Oui, avec une eau impropre à la consommation à Saint-Pierre, partie haute de la ligne Paradis, Cadéligne Bambou, concession Condé, ligne Bambou, ne la consommez pas. Il est conseillé d'utiliser de l'eau en bouteille ou à défaut de porter à ébullition l'eau du robinet et la faire bouillir pendant 3 minutes avant de la consommer. Une eau qui peut être utilisée quand même pour les toilettes, WC et le lavage. Ce samedi 8, 2 rue Pitel, résidence de la Sémadère à Sainte-Clotilde de 8h à 11h30, il y a un dépistage du diabète. Il est conseillé de venir à Jeun pour un meilleur dépistage. Et puis le TCO, enfin, mène son enquête publique sur la révision du Scott West schéma de cohérence territoriale. Rendez-vous sur www.tco.re ou sur les lieux d'enquête jusqu'au 14 octobre. Restez bien prudents, vous rappelle cet accident route des Tamarins en direction du nord, au niveau de la Grande Ravine. 3 véhicules impliqués, sortez par la RD12 des Colimaçons si vous le pouvez. On fera le point après le journal de 6h. Il est où le bonheur, Christophe Maé? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants. Et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. il est où? Il est là, le bonheur. Il est là, dans le grand matin. Mon Dieu, Seigneur. Bienvenue à tous. J'ai un peu la voix qui casse, ce matin. Aïe, aïe, il est 6h bon. Sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Des billets à moins de 500 euros, c'est ce que promet la compagnie French Blue, et cela toute l'année. Mais à ce tarif, vous n'avez que le siège en classe éco. Pas de valise en soute, pas de repas, un billet à la carte. Le premier vol est prévu en juin 2017, mais les ventes en ligne, elles, ont déjà démarré. 20 ans de réclusion criminelle, c'est la peine prononcée hier aux assises à l'encontre du principal accusé, Stéphane Bocage. Il a battu et tué l'enfant de son ex-concubine. La violence que l'on retrouve aussi sur Facebook, Cécile Othello souhaite que la vidéo, celle dans laquelle elle corrige son fils, soit retirée. On en parle dans ce journal. 1946-2016, il y a 70 ans, la Réunion devenait un département français. Un nouveau statut qui a amené la modernité, mais aujourd'hui, c'est l'égalité réelle qui est examinée à l'Assemblée. Et puis en sport, la plage des Brisants a accueilli hier les 13e Jeux des lycéens de l'Ouest. Reportage à la fin de cette édition. C'est désormais officiel, French Blue proposera des billets d'avion à moins de 500 euros à partir de l'an prochain. Le premier vol est prévu le 16 juin. Concrètement, la compagnie low cost annonce l'aller simple Réunion-Paris à 249 euros. Mais à ce tarif, vous n'avez que le siège en classe éco, pas de valise en soute, pas de repas. Si vous en voulez, on passe à 598 euros l'aller-retour. Des prix attractifs et qui devraient théoriquement être proposés toute l'année. Les réservations sont d'ores et déjà ouverte, pas encore de chiffres à cette heure, mais Marc Rocher est confiant. Pourquoi ? On écoute la réponse du PDG de French Blue. On a essayé de construire une compagnie low cost long courrier en repartant d'une feuille de papier blanc. On a tout revu, comment on achète l'avion, comment on l'équipe, comment on a le meilleur produit, comment on emploie les gens, comment on les recrute, comment on s'organise, comment on vend. Et c'est clair que par exemple French Blue va être très vendu sur Internet, mais aussi à travers les agences de voyage. Donc on a cherché à tout remettre à plat. Et forcément quand vous faites ça, dans un environnement qui est celui du transport aérien, qui, pour être clair, est un peu empâté dans son histoire, même si elle est glorieuse jusqu'à Mermoz, eh bien, vous sortez des économies de coûts qui sont pas négligeables et qui vous permettent de baisser les prix de 10, 15%, voire un peu plus, en fonction de ce que va être la réaction de la concurrence. Marc Rocher, le PDG de French Blue, interrogé par Jean-Régis Ramsamy, pour conquérir 20% du marché. Son objectif, la compagnie low cost a investi 215 millions d'euros pour l'achat de deux Airbus A350. On en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit aujourd'hui Jean-Paul Dubreuil, fondateur et président du groupe Dubreuil, propriétaire de la compagnie French Blue. Transport, toujours, les grilles du Port-Est sont restées fermées hier toute la journée en cause un conflit entre la COR, la coopérative ouvrière réunionnaise, et Rundoc, deux entreprises d'aconnage. Selon la CGTR, Rundoc doit, je cite, « respecter la loi ». C'est aujourd'hui que se termine l'enquête publique sur la carrière de Bois Blanc à Saint-Leu. Thierry Robert avait affirmé qu'il n'accueillerait pas les commissaires enquêteurs. Mais hier, les deux fonctionnaires étaient bien présents, installés dans les locaux du service de l'urbanisme. Ils ont reçu les administrés. Seule une vingtaine de personnes ont fait le déplacement. 20 ans de réclusion criminelle, c'est plus que ce qu'avait requis l'avocat général. Stéphane Bocage a été reconnu coupable hier aux assises, coupable de violence habituelle ayant entraîné la mort du petit Kaylan, 2 ans, l'enfant de son ex-concubine. Il l'a frappé et tué en 2014 à Saint-Joseph. Les jurés l'ont donc condamné à 20 ans, mais il va faire appel. Confirmation avec son avocat, maître Michael Nativel. C'est une peine sévère. Je pense qu'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte par les jurés qui lui valent cette peine relativement lourde. Sa décision semble être la voie de l'appel. Se faire entendre à nouveau, il clame toujours son innocence. Aujourd'hui, il dit qu'il n'est absolument pas lié au décès de l'enfant. Maître Michael Nativel, l'avocat de Stéphane Bocage au micro Réunion Première de Joanne Adamadorassi. La mère du petit Kaylan était également poursuivie. Coralie Francom écope de 2 ans de prison ferme pour non-assistance à personne en danger. Enceinte, elle est repartie libre du tribunal. Je n'ai pas fait cette vidéo pour humilier mon enfant. Je voulais juste que mon fils réagisse. Cécile Othello, elle souhaite que la vidéo, celle dans laquelle elle corrige son fils, soit retirée de Facebook. Problème, la vidéo a déjà dépassé les 500 000 vues sur Internet. Elle a même été diffusée sur les sites nationaux. Aujourd'hui, Cécile Othello regrette d'avoir filmé la scène. M'a pas fait ça pour détruire mon enfant, m'a pas fait ça pour que de mon ni mon katali, m'a fait ça pour que je protège Ali justement. Mais regrette d'avoir mis la vidéo, ça c'était un fait, mais les faits, m'y accepte pas ce qu'il y a fait. Parce que ouais, m'a jamais éduqué Ali dans les tapes de monde, moi. M'a pas éduqué Ali dans les vols de monde. C'est pas l'éducation d'une maman ça, mais ça prend pas que ça va dans la délinquance. Mais il va tout faire pour tirer mon maman dans la délinquance. Cécile Othello qui a corrigé son fils en direct sur Facebook, interrogée par Pierre Comorassami. Elle doit être jugée le 17 février prochain pour violence avec armes et atteinte à l'intégrité physique d'un mineur. La maire de Talon-Bishop porte plainte contre la commune de l'Étang Salé et son maire, Jean-Claude Lacouture. Talon-Bishop, souvenez-vous, c'est cette jeune fille de 22 ans tuée par un requin le jour de la Saint-Valentin à Ravine-Mulla. Un an et demi après, sa mère estime qu'elle n'a pas eu toutes les réponses sur les circonstances de l'accident. Il est 6h06 sur la première. La suite du journal, Florent Marot. Il y a 70 ans, 1946, la Réunion devenait un département français, un nouveau statut qui a amené la modernité et qui a changé la société réunionnaise en profondeur. Notre île s'est en effet équipée d'écoles, d'hôpitaux, de routes, d'industries. Les salaires ont grimpé et pourtant la Réunion fait partie des départements les plus pauvres de la République avec un chômage important. Jean-Paul Virapoulet a œuvré pour cette départementalisation. Le sénateur estime que les combats institutionnels ne sont plus la priorité. L'avenir passe par le développement économique. L'avenir de la départementalisation, c'est d'abord l'économie bleue. La Réunion doit être la porte maritime de l'Europe dans l'océan Indien. Et nous ferons un port bicéphale, le port Saint-André. Ça doit être l'aérien. Nous sommes sur une île et le grand aéroport est une chance pour la Réunion. Ça doit être le câble. Nous devons être reliés comme si nous étions dans la banlieue de Paris. Parce que le numérique va être la grande richesse de la Réunion des années qui viennent. Et nous ouvrons l'université Epitech l'année prochaine à Saint-André, qui est l'une des plus grandes universités de France. L'économie va donner ses lettres de noblesse et sa dignité à la Réunion. Le sénateur Jean-Paul Virapoulet au micro Réunion Première de Daniel D'Ambreville. Allez, on passe au sport avec les 13e Jeux des lycéens de l'Ouest. C'était hier sur la plage des Brisants à Saint-Gilles. Plusieurs centaines d'élèves de la Possession à Trois-Bassins ont participé à cette journée organisée par l'UNSS. Et parmi les activités proposées, il y avait un atelier reporter-photographe. Delphine Poudroux est allée voir ça d'un peu plus près. Une plage, des jeunes lycéens qui jouent au volley. La scène est toute trouvée pour les jeunes reporters-photographes. Face à eux, Thierry Pérez, ce professeur d'éducation physique a troqué son ballon pour un appareil photo. Ce qui est intéressant, c'est que tu t'es rendu compte que prendre la photo au bon moment, c'est ce que les photographes appellent ça le moment décisif. C'est-à-dire, une demi-seconde avant la photo, elle ne serait pas intéressante. Une demi-seconde après, c'est pareil, l'action elle est passée, mais ça dure qu'un dixième de seconde. Pour cette activité UNSS plutôt originale, pas besoin de grand-chose. Ce qu'il faut avoir, c'est l'œil. Et l'envie de faire des images. Appareil photo de pro en bandoulière, Dinila est ravie. Et là, avoir un appareil comme ça dans les mains, ça fait quoi ? C'est magique. Parce que moi, mon appareil, il est tout petit. Mais un appareil comme ça, franchement, c'est cool, c'est top. Inès, elle, compte bien s'appuyer sur ses cours pratiques pour construire son avenir. J'aimerais faire peut-être journaliste scientifique plus tard. Et je pense que ça fait quand même, c'est une partie de ce métier qui est à considérer. En photo, il faut vraiment être à l'affût du bon moment et il faut vraiment être très précis et choisir le bon instant quand il faut. Parce que sinon, comme il disait, une fraction de seconde trop tard, c'est trop tard. Alors cette expérience-là, Inès compte bien la prolonger tous les mercredis après-midi grâce à cet atelier UNSS dans l'Ouest. En football, la Saint-Pierroise s'est qualifiée hier pour la finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Les Cigognes sont assurés de finir en tête de leur poule après leur victoire 2-0 face aux Seychellois de la PASSE FC. C'est la fin de ce journal local. Passe maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle ce matin, Fanny Bouvard, de ces violences à Bastia. Soirée de violence dans les rues de Bastia. CRS et jeunes nationalistes corses se sont affrontés pendant plusieurs heures. Les jeunes étaient rassemblés en soutien à trois camarades jugés en ce moment à Paris pour un attentat commis à Corté en 2012. Mais les choses ont rapidement dégénéré avec des jets de projectiles et de cocktails Molotov. Sept membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés avant le retour au calme, sans aucune interpellation. Des violences jugées inacceptables par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé dans un communiqué. L'ouragan Matthew continue sa progression et son bilan s'alourdit d'heure en heure. Une vingtaine de morts, principalement à Haïti. Mais le sud du pays est encore coupé du monde. Difficile donc d'établir un bilan précis. Les États-Unis annoncent l'envoi de 9 hélicoptères militaires pour des opérations de secours sur place. Les États-Unis qui se préparent aussi à l'arrivée de l'ouragan. Des évacuations se multiplient sur la côte est du pays, en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et Caroline du Sud. Barack Obama demande d'ailleurs aux habitants de prendre au sérieux les conseils des autorités, évoquant une tempête majeure. Le président américain, très préoccupé par les questions climatiques, il a d'ailleurs salué ce mercredi l'entrée en vigueur de l'accord de Paris dans 30 jours. Une journée historique, s'est félicité Barack Obama. Le texte rédigé en décembre dernier lors de la COP21 a été adopté par 55 pays. C'est le seuil minimum pour son entrée en vigueur. Ce sera donc chose faite avant le début de la COP22 à Marrakech le 7 novembre prochain. Le vote formel doit avoir lieu dans quelques heures, mais le Conseil de sécurité de l'ONU est tombé d'accord ce mercredi. Le Portugais Antonio Guterres succédera à Ban Ki-moon au poste de secrétaire général des Nations Unies. Cet ancien haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés et ancien Premier ministre du Portugal prendra donc les rênes de l'organisation internationale au 1er janvier prochain. En France, une autre élection se prépare, celle de la primaire à gauche, les 22 et 29 janvier prochains, avec un nouveau candidat, le sixième, Gérard Filoche, se déclare sur son blog. Membre du Conseil national du PS et ancien inspecteur du travail, il rejoint ainsi Marie-Noëlle Lienemann, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, François de Rugy et Jean-Luc Benamias, déjà candidats tous les cinq. À droite, pas de répit dans la campagne pour la primaire. Alain Juppé, en meeting à Ajaccio ce mercredi soir, s'est déclaré favorable à ce que la collectivité territoriale de Corse bénéficie de davantage d'autonomie. De même, sur la langue corse, le candidat à la primaire de la droite assure qu'elle doit être parlée et apprise dans l'école de la République. Nicolas Sarkozy, lui, était à Montauban et encore une fois, il a fustigé ses adversaires, François Fillon en tête, tous ceux qui appellent les électeurs de gauche à participer à la primaire de la droite. 6h12 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Ah Mickaël, ce contraste, soleil d'été hier, gros pluie aujourd'hui. Mais ah gros oui. Pluie d'été. Ah hein. On s'en prend hein, de la pluie, hein, notamment sur le chef-lieu. Là, ça tombe en ce moment. Ouais. Et ça tombe en fait entre le port, Sainte-Rose et Saint-Philippe, là, sur le nord et l'est du département, en passant par le cirque de Salazie, la plaine des Palmistes et le volcan. Là, c'est bien couvert ce matin. Il est vide hein, carrément. Et, hein. Et là, il n'y a pas un rayon de soleil hein, en se lever du jour. Seulement des averses et de la grisaille. De l'autre côté, en allant vers l'ouest et le sud-ouest, et ben, c'est bien mieux. Le ciel est un peu plus dégagé, il n'y a pas d'averse pour le moment, mais normalement ce temps maussade va donc couvrir tout le département cet après-midi. La région sud-ouest pourrait être encore épargnée avec quelques éclaircies peut-être dans Sillaos et en allant vers l'étang Salé et Saint-Pierre. Ailleurs, les pluies vont s'intensifier, surtout sur la partie est de la Réunion, entre Saint-Denis et Saint-Philippe, c'est ce que nous dit Météo France. De bonnes averses, ça ne sera pas en continu, mais par intermittence on pourrait avoir des bonnes averses. Alors pourquoi pas des fois à travers les nuages, un rayon du soleil qui passera, mais enfin bon, aujourd'hui quand même globalement ça sera beaucoup moins agréable qu'hier. Les températures vont baisser sous les nuages. 25 à 27 degrés sur la côte, 13 au volcan, 16 à la plaine des Cafres, avec du vent sur le nord-ouest et le sud-est du département. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et on va prendre des nouvelles de cet accident sens sud-nord sur la route des Tamarins. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Yves, on nous signale par SMS que c'est déjà bien, bien, bien bouché hein, dans le secteur. Ah ben, je vous avais déjà annoncé aussi. Plusieurs kilomètres de bouchons. Il y en a 6 maintenant. Voilà. Bien sûr, alors juste après, une fois que vous passez l'accident, ben là, ça roule parfaitement. Hein. Sur Saint-Paul, il n'y a pas de ralentissement du tout. D'ailleurs, quand on voit cette situation, on est à peu près sûr qu'il fasse quelque chose en amont. Et donc la chose en amont, bah, c'est cet accident qui s'est produit un peu avant la Grande Ravine, donc au nord de Saint-Leu, sur cette route des Tamarins en direction du nord, impliquant, alors il y a deux véhicules, hein, il y en avait peut-être trois d'arrêtés tout à l'heure, mais finalement il y a deux véhicules qui sont impliqués, il y en a un à droite, un à gauche, et vous passez au milieu. Donc forcément, ça passe au compte-gouttes en ce moment. On a une personne qui est légèrement blessée au bras, l'autre personne qui était à moitié endormie sur son volant. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Vous comprenez facilement l'état de la personne qui a dû prendre la route ce matin. Et donc voilà, la situation très très compliquée. 6 km de bouchons et personne. Pourtant, les panneaux à message variable. Et je vous avais également suggéré tout à l'heure de sortir par l'échangeur des colimaçons pour redescendre sur la partie route des plages, remonter un peu plus loin si vous le voulez, hein, donc au niveau de la voie Canière ou remonter ici au niveau de la route du Caf, mais personne n'a l'air de trop vouloir sortir, donc le bouchon ne fait qu'augmenter pour le moment. Bah, on attend les camions de dépannage, hein, pour libérer cette situation, donc très compliqué à ce niveau, mais ici forcément sur la partie nord de la route des Tamarins et donc sur Saint-Paul, ça roule correctement. À l'entrée ouest aussi, attention, route mouillée depuis quasiment la possession, bien trempée donc sur la partie nord de la corniche, et il continue de pleuvoir à la fois sur Saint-Denis et dans l'est. Attention, de gros ralentissements également, hein, sur Saint-André et l'échangeur nord de Sainte-Suzanne, avec route trempée et donc glissante. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Alors surtout, essayez de faire attention au maximum pour qu'il n'y ait pas d'autres accidents avec le temps qu'il y a aujourd'hui. Soyez un peu plus vigilants. On est sûr que vous l'êtes, hein, bien sûr, mais on aimerait vraiment qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, de toute façon, il faut faire attention partout, c'est puisque important. Les chaussées sont glissantes depuis la possession jusqu'à dans l'est là-bas, et sur la route des Tamarins, il y a cet accident. Donc on fait très attention dans le sens sud-nord avant la Grande Ravine. Dur. Hein. Les fruits et légumes, ça pousse sous la pluie, hein. Oui. Enfin, faut pas qu'il y ait trop de pluie non plus. L'argent, il pousse pas, mais nous peut donner, nous. Bah, par contre, l'argent, on le donne. 20 euros justement pour aller acheter les fruits et légumes qui poussent. Voilà, comme ça, ça pousse dans votre porte-monnaie. Et puis, vous pourrez acheter donc les fruits et légumes dans Espace Fraîcheur. Ça se passe au 02 62 99 2000. On a envie de vous faire plaisir. Alors, sautez sur votre téléphone. Et puis, on file à Sainte-Suzanne après. Brapanon, t'es. Exactement. Sainte-Suzanne le mardi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Mais du coup. Déphasé, quoi. Déphasé. Un peu le matin. C'est dur, hein. Ça peut arriver. Allez, oh là là. Ça peut arriver. Tiens, bon, ça va te réveiller. On donne paquet maintenant. Avec Lucie sur première. Bon réveil à tous. Bonne journée. Parfois, les pas faciles, les insectes nous fait les trop fragiles. Bon début de journée mouillée aujourd'hui, ah oui, là, un petit peu moins sur l'ouest et le sud, mais toujours beaucoup de prudence sur les routes avec cet accident sur la route des Tamarins. C'est ça, et en plus, si Marmaine à l'école aujourd'hui, n'oubliez pas le parapluie imperméable, accessoire indispensable Lucie, ce matin. Lucie, donne paquet sur première, on vient tout de suite avec 20 euros à mettre dans votre poche, 0262 99 2000, c'est maintenant que vous appelez. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà le Trail de Bourbon et la Mascarée. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Zatien, devinez. Qu'ça, les gratuites. Les zones 5 à couverte VA et Asperazone dans notre pharmacie. Il ne peut pas s'en passer, citant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, qu'ça il est? Ben oui, si le petit bac ou ancien pour traiter ça qui pique, aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans autre famille, viens voir sur dastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou en sieve, ou tri, et ni ramasse. Première. Au moins, quand tout est plaît, on comprend tout. Hein. 6h21 sur Première dans Grand Matin et Espace Fraîcheur vous offre 20 euros avec oui, Réunion Première aujourd'hui. Donc je vois que ça appelle pas beaucoup. Hein, par rapport à d'autres matins. Qui pas veut gagner ces 20 euros si. Espace Fraîcheur 0262 99 2000. Mm-hmm. On va jouer dans quelle région? Hop. On joue dans la région Est ce matin. Allez. Donc tout l'Est appelle. Allons 02. Voir un Moon qui est certainement en train de débattre avec la pluie, soit en loto, je sais pas comment. C'est le moment d'appeler l'Est de la Réunion. Ah ben voilà. Pas l'Ouest, l'Est. L'Est. Ah l'Est, l'Est voilà. De la Réunion. Attends, il y a deux secondes, voilà, ça appelle. Bah, ça appelle l'Est, voilà. Ah ben voilà. Parfait. Allez, on y va, on va à Sainte-Suzanne. Bonjour Guylaine. Bonjour. Salut Guylaine. Comment il est? Ah, elle est là, sous la pluie. Ah ben voilà. En même temps, il en profite pour jouer. Bah, on a bien raison. Vous l'avez en voiture déjà? Oui. Ça travaille? Elle amène ma maman à l'école. On a deux pour des pauses en stage et une pour des pauses... Ah oui, donc voilà. le matin, c'est du boulot, Guylaine. Hein. Maman, elle repose pas. Ouais, alors Guylaine, bah du coup, on va vous récompenser. On vous donne vos 20 euros. Allez. Félicitations, Guylaine. Les bons, les poux, le bon de 20 euros d'achat valable dans les magasins Espace Fraîcheur. Félicitations. On vous souhaite. Merci, Radio Première. On vous souhaite une bonne pas journée, de soucis. Guylaine. Bisous, bon courage sur la route. Allez, merci. Bye bye. Bye. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. On l'a entendu avec Guylaine du côté de Sainte-Suzanne, la pluie y tombe. Et Brapanon, on dirait que c'est pas mieux. Hein, on l'entend. Bah, on écoutez, le temps semble se dégager pour la bonne nouvelle. Ah bon, je croyais qu'on entendait mais le, la mauvaise pluie. Nouvelle, c'est que l'éclaircisse, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Ah bon, okay, on est d'accord. Voilà. Ouais. Bah, oui. Donc, allez, après le quiz salade, nous passons au jardin. Car vous savez que sur les marchés, il y a aussi des jardiniers, jardinières hein, qui vous proposent quelques plantes. Ah, super. Ouais, et notamment Rasta, là en ce moment, il est en train de... je sais pas si vous entendez la circulation sur Brapa. Ah, on croyait que c'était la pluie. C'est la circulation alors. La okay. Ça c'est la circulation. Okay. Bonjour Rasta. Bonjour. Ça va ce matin? Oui, plutôt. Oui. Et alors, il m'a confié Rasta que quand la pluie tombe, il vend plus ses plantes. Pourquoi ça Rasta? Ah ben je sais pas, les gens ils plantent quand la pluie tombe. Et c'est quoi votre spécialité? Comment? Comme quoi? Que ça ou vend comme plant là? Des plants, des légumes. Ah. Des plants, des légumes. Là où il y en a, petit piment, gros piment, pastèque. Piment, gros piment, pastèque, un peu de tout. Marjolaine. Et où il y en a aussi le thym. Citronnelle. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Pour la grippe. Ah. Pour on la plante grippe, ça comment? Comme le thym normal? Comme le thym normal, oui. Ouais. Bah. Et après, ça c'est quoi ça ici, là, Rasta? Cette plante, attendez. Quand je la touche, ça sent bon. Ça ici, là. Ça, c'est de la verveine, c'est quoi? La lavande. Ah, c'est de la lavande. Mais c'est une lavande, m'a jamais vu la lavande comme ça. C'est quoi ça? C'est la lavande pays. La lavande pays. Et comment on fait pousser la lavande dans son jardin? Planter. Oui. À l'ombre, plein soleil. Au soleil. Au soleil. Plein soleil. Et après, ça coûte. Il y a un géranium, un peu de tout là. Oui. Toutes les au même prix ou non, non, non, plusieurs prix. Bon, combien coûte la lavande? Oui. 5 euros. 5 euros le pot, oui. Géranium. Pareil. Et où la ramène un pied de sapotis là-bas? 8 euros le pied. D'accord. Et comment ils plantent piment? Ben, comme toutes les plantes. Hein. Ouais. Donc là, c'est pas cher. Je crois que vous vendez 4 plantes. 2 euros. Bon, là, pour passer au jardin, il faut mettre ses bottes. Oui, c'est mieux, c'est mieux aujourd'hui. Et Prisca, oui. Ramène un pot lavande pour moi, allez, s'il te plaît. Un pot de lavande, oui, pour Miss Isa. Isa. Ouais. Et voilà. Mika, vous voulez quoi? Du piment? Ben, pourquoi pas, tiens. Ah, tiens, voilà, s'il y en a. Un petit plant de piment. Ça peut toujours aider. Allez, mais bon, merci. Il y a du yapana aussi. Y a du, ah, prends du sapouli. Papayé, prends sapouli. Un yapana, un est bon. Un yapana, c'est bon. C'est bon, ça y enlève mal au ventre. Oui, mais c'est plus pour Isa alors. Allez, bon. Allez, à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. On passe à l'économise. Et le salon de la micro-entreprise se tient en ce moment à Paris, Mickaël. On y trouve des spécialistes de l'accompagnement à la création d'entreprises, des financeurs et des professionnels de la communication. Témoignage de quelques visiteurs qui souhaitent devenir leur propre patron. La chronique éco, Tessa Gromagne. Dans les allées du salon de la micro-entreprise, beaucoup de trentenaires passent de stand en stand à la pêche aux informations qui vont leur permettre de changer de cap dans leur vie professionnelle. Sandrine, 37 ans, est bien décidée à quitter son poste de juriste salarié pour monter sa propre entreprise. Cette grande et belle femme, originaire de Sainte-Anne en Guadeloupe, veut se donner les moyens de gérer son temps et de voir grandir ses deux enfants. L'envie d'entreprendre est là, ne lui manque qu'une chose. Trouver l'idée. C'est ça en fait le plus compliqué aujourd'hui, savoir quelle est, trouver l'idée qui soit la bonne et pouvoir me lancer assez rapidement, puisqu'on sait très bien que quand on monte une entreprise, les 2-3 premières années, quand on a de la chance, voire les 4-5 quand on en a un peu moins, sont quand même assez difficiles à gérer. Laetitia, elle sait très bien ce qu'elle veut faire. Après quelques années comme salariée dans une boutique, puis comme professeure de dancehall en banlieue parisienne, cette Guadeloupéenne d'origine souhaite monter sa propre école de danse. Un projet qui ne lui fait pas peur. Je pense pas que ça soit compliqué. Je pense qu'il faut avoir les bonnes informations pour pouvoir créer sa propre entreprise. Après, comme on dit, on n'obtient pas ce qu'on veut en 2-3 mouvements. Hein. C'est dans le long terme. Donc moi, je pense pas que ce soit compliqué. Il faut savoir juste être bien guidé. Monter un business plan, trouver les financements, Guy se donne 6 mois pour créer son entreprise de transport de marchandises. Ses 15 années comme employé dans la sécurité, dans les grandes surfaces et comme chauffeur de bus lui ont permis de mettre un peu d'argent de côté. Pour l'instant, c'est la phase de création. Donc les idées, c'est forcément que ce soit une grosse structure que je vais faire par la suite. Mais bon, il faut déjà commencer à mettre le premier pavé et créer la société en elle-même et puis après voir comment ça tourne. Entre ce qu'on veut et ce qui est réalisable sur le terrain, on a des surprises souvent. Au salon de la micro-entreprise, on trouve beaucoup d'enseignes bancaires prêtes à conseiller les futurs patrons. Mais les projets modestes les intéressent peu. Guy en est bien conscient. C'est un peu plus compliqué quand on est créateur. Ils ne sont pas prêts à mettre la main à la poche. Ils ne sont pas assez de garanties. Donc dans un premier temps, non, c'est personnel et puis les associations qui aident à la création. L'ADI ou l'association France Active pourront sans doute lui donner un coup de main pour le financement de son entreprise. Pour monter sa propre boîte, il faut une idée, du temps, de la méthode, des contacts et de la persévérance. Mais tout cela vaut le coup, assurent tous les visiteurs qui arpentent les allées du salon, comme Sandrine, la juriste sans doute bientôt reconvertie en chef d'entreprise. À mon avis, c'est beaucoup plus sympa que d'être salarié. Retrouvez la chronique éco en podcast sur lapremière.fr. Alors c'est le bazar, voilà, c'est le bazar sur la route, on va pas vous le cacher, et en plus on n'avait pas besoin de ça sur la route des Tamarins, là où il n'y a pas vraiment de pluie, eh bien là aussi il y a un accident et ça fait 6 km de bouchon, voire plus. Voire plus, et justement Yves Gruyer est sur les lieux de cet accident. L'inforoute vous est offerte par QTEC, machine à boire Réunion. C'est à vous Yves. Oui, 7 km à peu près, 7 km et demi maintenant hein, de bouchons sur la route des Tamarins. Donc l'accident s'est produit après la Grande Ravine, on m'avait dit avant, mais c'est pas en regardant les caméras, mais en fait c'était après dans le sens de circulation. On est quasiment à hauteur de la ravine Souris Chaude. Deux véhicules impliqués, un véhicule, alors il y avait un fourgon qui était sur le flanc, on vient de le remettre, donc il y a un camion de remorquage qui est arrivé, le deuxième est à contresens, donc plus sur la partie droite de la chaussée, et comme je vous le disais tout à l'heure, vous circulez au milieu de ces deux véhicules, donc en ce moment, donc la patrouille neutralise essentiellement la voie de gauche, Et puis, faut passer au milieu des voies. On essaye de dégager au maximum la voie de gauche dans un instant. Je rappelle qu'il y avait un blessé au bras qui est pris en charge. Le deuxième, j'ai pas vu. En tout cas, 7,5 km de bouchons. Et comme je vous le disais, au niveau de l'échangeur des colimaçons, ce qui est assez étrange puisque j'ai dû faire demi-tour là-bas, il y a très peu de véhicules qui cherchent à descendre vers le littoral pour aller reprendre la route des plages et éviter cet embouteillage. Voilà, donc on vous demande d'être patient ce matin. Alors malgré cet embouteillage, maintenant il y en a quand même qui se sont formés du côté de Plateau Caillou et sur la partie basse, donc au niveau de Belmaine. Attention sur la route digue, Perte par Q-Tech, machine à boire réunion. 6h30 sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. La fin de l'enquête publique à Bois-Blanc. Hier encore, des riverains ont donné leur avis sur le projet de carrière pour la nouvelle route du littoral. Reportage dans ce journal. Des vols low-cost vers Paris. Proposition de la compagnie French Blue dès juin prochain. Un prix d'appel sous la barre des 300 euros qui ne comprend ni le repas ni le bagage en soute. Nous l'entendrons. La mobilité vers la métropole, sans oublier la mobilité retour. C'est ce que veut inscrire Erika Baredge dans la loi sur l'égalité réelle. La ministre des Outre-mer l'a souligné hier lors des discussions sur le texte. Et puis le département a 70 ans, nous entendrons Albert Ramassamy, l'ancien sénateur socialiste. Il se souvient de l'éducation qu'il a reçue au temps des colonies. Mais avant cela, prudence sur la route ce matin. Avec, vous venez de l'entendre, cet accident survenu à Saint-Leu sur la route d'État marin. Deux véhicules sont impliqués. Il y a déjà plusieurs kilomètres de bouchons. Plus de 7 kilomètres, nous disait Yves Gruyé à l'instant, au niveau de la Grande Ravine en direction du nord. Soyez prudents. La pluie peut aussi tomber assez fort dans le nord et dans l'est ce matin. Fin de l'enquête publique sur l'exploitation de la carrière à Bois-Blanc aujourd'hui. En colère, Thierry Robert, le maire de Saint-Leu, avait affirmé qu'il n'accueillerait pas les commissaires enquêteurs dans sa mairie. Mais hier après-midi, les deux fonctionnaires étaient bien présents. Installés dans les locaux du service de l'urbanisme, ils ont reçu les administrés. Une petite vingtaine de personnes a fait le déplacement. Tous contre la carrière et prêts à rester mobilisés, Suzette Emma. Yannick habite à Piton-Saint-Leu, n'a aucune question à poser aux commissaires enquêteurs, juste des remarques à faire enregistrer. Le jeune homme y tient. Par exemple, il y a le vent qui n'est pas pris en compte, alors que Saint-Leu est quand même une ville ventée. Donc chacun va prendre sa dose de poussière. Les tirs d'explosion sont prévus deux fois par jour. Donc il n'y a pas de prise en compte du vent, puisque c'est tous les jours pareil. Donc aucune étude là-dessus. L'impact sur la mer. Mais il faut déjà prendre en compte ce qu'il y a autour de cette zone. Il y a déjà une station d'épuration. Impact sur le milieu marin, donc. Et la liste de Yannick est longue. Pour Mario et Yvette des Colimaçons, c'est non à la carrière et plus généralement à la NRL. Je suis dans les bouchons tous les jours. Et on voit bien que le vrai problème, c'est un transport collectif. Le tout voiture, ça suffit. La carrière, c'est un non-sens écologique. On va polluer. Avec les explosions qui vont avoir lieu, ça risque même de détruire un outil qui vient juste d'être fait, la route d'État marin. Pour toutes ces raisons, Joël et Claude estiment qu'il faut poursuivre la mobilisation. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout parce que j'ai l'impression qu'il y a des anguilles sous roche et il y a des collusions qui sont un peu douteuses. On est obligé de mettre la pression jusqu'au bout. Ils feront ce qu'ils veulent une fois que ça sera commencé. Un reportage de Suzette Emma. En bref, 15 ans de prison avaient été requis à l'encontre de Stéphane Bocage, accusé d'avoir tué le petit Kélan 23 mois à force de violences quotidiennes. Mais la cour et les jurés ont décidé d'aller au-delà hier. 20 ans de prison, c'est la peine énoncée contre le hyper violent. Son avocat, maître Michael Nativel, a annoncé hier l'intention de son client de faire appel. Autre prévenue à la barre, Coralie Francôme, la maman de Kélan. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour non-dénonciation des actes et non-assistance à personne en danger. Du nouveau dans l'aérien, la compagnie French Blue a programmé son premier vol pour le 16 juin 2017 et les réservations sont d'ores et déjà ouvertes. French Blue se positionne sur la tranche low cost. Objectif, capter 20% du marché. Le prix d'appel, c'est 249 euros pour un aller simple vers Paris, sans bagages en soute. Jean-Paul Dubreuil, fondateur et président du groupe Dubreuil, propriétaire de la compagnie French Blue. C'est un aller simple, c'est le prix de départ de French Blue pour ceux qui veulent juste le siège. Donc c'est un prix aller simple avec un bagage de 12 kilos. Et à partir de ce prix-là, nous allons pouvoir dérouler d'autres services. Un plateau repas, par exemple, sera facturé 10 euros pour celui qui le souhaite. Et pendant tout le vol, il peut acheter un certain nombre de choses à bord. Et donc c'est effectivement la démarche que nous avons engagée parce que nous avons des coûts plus bas que les autres, parce que nous voulons toucher une clientèle qui n'a pas l'habitude de prendre l'avion parce qu'elle est dissuadée par les niveaux. On a conçu une nouvelle compagnie avec une feuille blanche en additionnant l'ensemble des paramètres qui nous permettent de baisser les coûts, à la fois sur les coûts d'avion, sur les coûts des équipages qui sont salariés français mais qui effectivement rentrent dans un cadre nouveau puisque nous n'avions pas le poids de l'histoire, et en même temps une structure très petite puisque l'équipe dirigeante de France Bleu, c'est 5 personnes. Jean-Paul Dubreuil au micro de Jean-Régis Ramsamy. Il sera l'invité de la matinale dès 7h15. Il répondra aux questions de Philippe Dornier. Le voyage entre la métropole et la Réunion également dans les discussions sur l'égalité réelle. La mobilité, on en parle souvent dans le sens Saint-Denis-Paris, mais hier, Erika Baredj a insisté sur la mobilité retour. La ministre des Outre-mer soutient l'amendement qui permet d'allonger de 5 ans l'aide au retour des étudiants vers les territoires ultramarins. Erika Baredj. Il faut changer notre approche de cette mobilité qui consistait uniquement à parler de la mobilité aller. Il faut maintenant commencer très sérieusement à penser au retour. Et l'idée de cet amendement est de rajouter 5 ans. Pendant 5 ans, la personne qui est partie, formation, stage, études, pourra revenir sur le territoire après s'être enrichi aussi, bien sûr, d'études, mais aussi d'expériences professionnelles. Ça peut paraître symbolique, mais quelquefois, les symboles sont importants. C'est important dans ce sens de l'histoire que nous voulons arrêter. C'est important aussi pour revivifier des territoires qui se sont vidés. La ministre des Outre-mer en marge de la séance consacrée à l'examen du projet de loi sur l'égalité réelle hier à Paris. Coup d'œil dans le rétroviseur ce matin, c'est ce que font les politiques et économistes réunis depuis hier au département. Ils étudient les 70 ans de la départementalisation. Le changement de statut a bouleversé le développement de l'île. En 70 ans, oublié les famines, les épidémies de paludisme, la mortalité infantile a reculé. Le territoire s'est équipé d'écoles, d'hôpitaux, de routes, d'industries. Les revenus et la santé des Réunionnais se sont améliorés et pourtant notre territoire reste l'un des plus pauvres de la République avec un taux de chômage record. Alors quels enseignements retenir de la départementalisation pour bâtir l'avenir? C'est justement le thème du colloque qui a lieu depuis hier au Conseil départemental. L'ancien sénateur socialiste Albert Ramassamy a été l'un des artisans de cette départementalisation. Pour lui, la Réunion a pu évoluer grâce à l'éducation, l'instruction pour tous. Quand on se reporte à l'époque coloniale, le but n'était pas d'instruire la population colorée. Il y avait le lycée et pour la bourgeoisie, il y avait les classes primaires annexées au lycée. Et pour nous, il y avait les classes primaires. Et les classes primaires n'avaient pas pour but d'instruire la population de la Réunion. On visait surtout à former de la main-d'œuvre dont la colonie a besoin. Donc la départementalisation nous a apporté l'école primaire ouverte à tous et l'instruction distribuée dans le but vraiment d'obtenir des gens cultivés et dignes de la départementalisation. Albert Ramassamy au micro de Daniel D'Ambreville. Le colloque se poursuit aujourd'hui. 6h38 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Tous les passionnés de mode ont les yeux tournés vers Paris, la capitale de la mode vit au rythme de la Fashion Week. On peut y découvrir de jeunes créateurs comme Arnaud Warraud, d'origine réunionnaise. Il a 25 ans, il a présenté sa nouvelle collection dimanche dernier. Alain Rosalie a rencontré le grand Arnaud Warraud. Du haut de ses 2m04, Arnaud Warraud n'a pas choisi le basket. Ce Réunionnais, fraîchement diplômé de l'École supérieure des arts et techniques de la mode, vient de présenter sa nouvelle collection. 9 tenues, toutes de couleur blanche, des robes, des vestes, des pantalons, des tailleurs, tous travaillés différemment. Dans mes codes, il y a beaucoup de plis, de jeux de superposition, et je mets un point d'honneur à travailler à chaque fois les matières. Mettre des dalles de satin à côté de l'organza, enfin, c'est vraiment des contrastes, je pense, qui sortent de l'ordinaire. Le Marmaille de Saint-Paul tente de faire naître une nouvelle vision de la femme. Entre son désir de pouvoir et d'élégance, à la fois moderne et traditionnelle, la femme idéale pour Arnaud Warraud est... Une femme de caractère, une femme de contraste, qui aime beaucoup de choses différentes, qui aime à la fois avoir un style plein d'assurance que peut offrir un tailleur bien structuré, ou alors des tenues beaucoup plus féminines et suggestives, comme des tissus transparents. Une femme qui est très éclectique. Présenter un défilé durant la Fashion Week est souvent un bon moyen de se faire connaître et de récolter les premiers avis du public. Quand on a vu la réaction des spectateurs et toute l'émotion que ça a engendré, on était très fiers. Ouais. L'euphorie passée, Arnaud Warraud, qui a découvert son île à 13 ans, caresse maintenant le rêve d'entrer dans le club très sélect des jeunes couturiers de talent. Et on a entendu le journaliste sportif Alain Rosalier à l'aise dans le milieu de la mode. Des centaines de lycéens réunis sur la plage des Brisants hier à Saint-Gilles. C'était les 13e Jeux des lycéens de l'Ouest. Une journée organisée par l'UNSS Ouest pour recruter de nouveaux licenciés dans les collèges et les lycées. Dominique Laterrière est professeur de PS et chargé de mission à l'antenne Ouest UNSS. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de lycéens qui pratiquent le sport scolaire, en sachant que le sport scolaire, c'est un sport qui est accessible à tous au regard du tarif de la licence. C'est un sport qui est convivial. C'est un sport aussi qui permet aux élèves d'appréhender autre chose que de la compétition. Alors l'année dernière, nous étions à plus de 5000 licenciés, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais cette année, nous comptons en avoir bien plus parce que la loi santé 2015 permet aux élèves de l'UNSS de pratiquer sans présenter un certificat médical obligatoire. Et c'est un atout pour nous, donc je pense qu'on aura de toute façon plus de licenciés que l'année précédente. Dominique Laterrière, interrogé par Delphine Poudroux, l'antenne Ouest de l'UNSS propose la plupart des sports collectifs et individuels, et même des sports en pleine nature, le mercredi après-midi. Ah, ben c'est bien, ça dit donc. Pas aujourd'hui. Tu dépenses les collégiens et les lycéens. Bien, ok. On devrait faire pareil, tiens. C'est comment bien, on appelle ça calme d'un coup hein. Oui, ça calme. Merci, Cécile. 6h41. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Tiens, Mickaël, on dirait qu'il y a une petite accalmie au niveau de la pluie. Ouais, elle est temporaire, ça, ou... Elle est plutôt temporaire. Puisque voilà, c'est vrai que Météo France prévoit qu'entre le port et Saint-Philippe, en passant par Saint-Denis, eh bien, le temps va rester quand même maussade une bonne partie de la journée. On pourrait voir parfois une ou deux éclaircies, mais le ciel restera quand même gris, plombé par des nuages, notamment sur les hauteurs comme Salazie, la plaine des Palmistes ou encore le volcan, avec des averses aussi qui iront jusqu'à la plaine des Cafres, des bonnes averses qui vont s'intensifier dans le courant de la journée. Ailleurs, en allant vers l'ouest et le sud-ouest, donc vers Saint-Gilles, Saint-Pierre et la région de l'étang salé, là c'est vrai que ça sera peut-être un peu mieux avec un ciel un peu moins nuageux, mais on gardera quand même un ciel beaucoup moins ensoleillé qu'hier, et sur les hauteurs du Tampon, les Macs, tout ça, ça va se couvrir aussi cet après-midi. Le vent va être un élément de jour, les hauteurs exposées seront sous le vent, comme le Maïdo ou encore la plaine des Cafres, tout comme d'ailleurs la baie de la Possession ou encore de l'autre côté, vers Sainte-Rose ou Saint-Philippe. C'est ce flux nord-nord-est là, qui nous ramène une masse d'air un peu plus instable sur le département, mais en même temps, le temps est plus, l'atmosphère est plus humide. On ressent donc un peu plus de chaleur. C'est une chaleur moite à laquelle on a affaire en ce moment. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et on va prendre des nouvelles du trafic, notamment sur la route des Tamarins. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Et vous, vous êtes à l'échangeur du tabac. Oui, alors je suis parti faire demi-tour. On n'est pas loin de finir hein, cet accident. Le conducteur de la voiture légère était bien endormi au volant, semble-t-il. Il s'est fait percuter par l'arrière. Alors, je ne sais pas s'il roulait à deux à l'heure ou s'il était quasi à l'arrêt sur cette quatre voies. Et il s'est fait percuter par ce fourgon qui s'est couché sur le flanc. Heureusement, on s'en sort sans gravité. Dégâts matériels importants. Blessé léger pour le conducteur fourgon. Donc, blessé au bras, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc circulation, pas d'évolution, toujours 7,5 km de bouchons actuellement, mais j'aperçois depuis ici les hauteurs donc de cette route des Tamarins quand même un trafic soutenu hein, sur la partie basse. D'ailleurs, ça coince déjà un petit peu à Boucan. Et malgré ces 7,5 km de bouchons donc en amont de cet accident et avant la ravine sur Richaude, eh bien, il y a déjà, ça y est, ça coince à hauteur de l'échangeur de Plateau-Caillou, hein, donc pour descendre sur Saint-Paul. Par contre, l'entrée ouest, ça se passe bien. C'est la sortie de tunnel du Cap Bernard. On a un petit peu de monde sur le pont Vinsane. Attention pour vous qui descendez de Belle-Pierre, je n'en ai pas parlé, mais le feu est au clignotant orange au niveau de la rue Tourette. Ça va pas être facile de descendre de cette RD42, donc pour rejoindre le centre-ville ou le boulevard sud. Feu au clignotant et vous n'avez pas la priorité, donc patience et prudence surtout pour passer ce boulevard Jean Jaurès. Entrée est, c'est encore roulant, mais ça coince au moins jusqu'au verger presque du parc avec une route mouillée dans l'est. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Et pendant que vous êtes dans les bouchons, que vous êtes énervé peut-être certainement ce matin pour aller au travail, vous vous ennuyez aussi, c'est possible. En toute façon, où que vous soyez à La Réunion ce matin, bah, envoyez-nous un petit message 06 92 70 2000 pour bah, nous dire ce qui se passe un peu chez vous. Ouais, parce que là pour l'instant ça, on envoie des messages mais c'est pour nous dire t'es, roule pas, oui. Roule pas, c'est la cata. Ça. Oui, mais l'accident est en train de finir là. Ça va, ouais. Ça devrait. Enfin, on va pas tout de suite crier victoire, mais voilà. Mais ça devrait. En tout cas, beaucoup de courage, beaucoup patience. De courage, tiens, bon, bah, beaucoup de patience bon, et bah, vous envoyez vos messages 06 92 70 2000 ce matin. Vous likez Grand Matin, vous likez Grand Matin sur la fanpage Facebook aussi comme d'habitude. Mm-hmm. Cette fanpage Grand Matin, donc GRN plus loin Matin. Et qu'est-ce que ça va vous donner? Eh bien, ça va peut-être vous donner des places de cinéma avant 8h. Oui, ôté pour c'est possible. Aujourd'hui, mais sinon, surtout, ça vous permet de participer au grand tirage au sort de demain vendredi pour repartir avec votre nuit d'hôtel pour deux. Ah si, là on va sauter. Oui, c'est pour ça. C'est pas mal. Oui. Le Zambroquel quotidien du Lecce. Ah oui, aujourd'hui on va s'intéresser à une espèce qui n'est pas du tout en voie de disparition, Michael. C'est les vantards. Le vantard, eh ben, disparaît pas. Jamais. Vous y connaissez forcément un, les obligés. Surtout si vous êtes comme moi, vous êtes sorti de Saint-André, vous avez dû rencontrer un quantité. Vous y voyez de quoi il parle? Cet y porte un quantité bijoux de Suzotte, il roule en gros loto et cause un tas là. Oui, je parle des vantards. Il y a différentes espèces, mais cette moi on a plus habitude moins, c'est les fils d'eux. Le ban de marma, ils ont ben de parents, ils étaient riches, ils ont toujours gagné que vous êtes veux. Zot, vous avez un tétine, t'es sorti de la pharmacie, ou la un tétine l'a acheté d'un supermarché. Ce bon marmaille que l'avait jamais touché un pioche de zot vie, un journée de travail ils avaient jamais fait, mais ils étaient comportés zot comme des chefs d'entreprise quand ils étaient causes. Déjà, comme ils étaient petits, ils étaient supportés pas zot. Oui, avec papa, nous l'a fait un tour à Paris pour voir le match du PSG, ouais. Et à Okoso, l'a fait pendant de vacances. Ben, ma garde, le match, je montais les 50 cm. Ah ouais, c'est pas la même ambiance, hein. Gars, c'est où de papa l'a payé pour, pas besoin de faire l'intéressant comme art. Et en grandissant, il arrange pas. Totoche, les dangereux de nouveau loto. Ah ouais, mais parle pas moins de ça, ma bataille avec papa. Il voulait acheter à moi le modèle en dessous. Ma dia dit, papa, qu'est-ce que les gens vont dire si tu m'achètes une voiture 3 portes? Ils vont dire que tu n'as même pas les moyens de m'offrir une voiture 5 portes, toute option, rétroviseur chromé et peinture texturée. La honte, quoi. N'a point un affaire, il fatigue à moins autant que discute avec un moon l'éventard. On a l'impression, il fait un monologue sur notre vie comme si c'était un feuilleton. Il parle à haut de zot voyage à Dubaï pour faire shopping, oui parce que magasin La Réunion est trop bas pour zot. Il vante à haut le nouveau téléphone qu'il achète à 1000 euros, oui parce que c'est normal de claquer le prix d'un billet d'avion Réunion-Paris dans un téléphone. Oui, le processeur est beaucoup plus performant que la version précédente. Coué ou connaît en processeur ou depuis quand les ingénieurs en téléphonie mobile? Ou récite à moi juste la publicité au téléphone, pas besoin de faire le connaisseur quand on fait juste le martingue et causé. Mais m'y serait prêt à passe dessus si seulement ce bain de marmaille en question n'était pas radin. Quand ça va restaurant avec Zot, il est capable de prendre les plats les plus chers, de boire une bouteille de vin à Zot tout seul, et Diao, quand l'addition y arrive, on divise en deux, c'est beaucoup plus simple. Alors Kao l'a juste pris une salade niçoise. Heureusement que m'a pu ce genre de fréquentation. Aujourd'hui, m'a décidé de fréquenter de Moon Hoki. C'est beaucoup plus simple. Bon, par contre, dernier coup, ma partie restaurant avec mon même camarade Fauché, Banal était assez désagréable avec moi. Quand nous l'avait fini manger, m'a pris un dessert, n'a en la hausse dit à moi. On se refuse rien depuis qu'on travaille à Réunion Première, hein. Monsieur, il prend un dessert. Ou paye bien autre part après, hein. A priori, nous l'est forcément le vantard de quelqu'un d'autre. Eh oui, mais il a raison, Mister le Lecce, Zambroquel quotidien, ça revient à 16h50 avec David dans le bon tempo. Mm-hmm. Puis alors la bonne nouvelle, mais c'est une moitié de bonne nouvelle, donc c'est déjà une bonne nouvelle. L'accident est terminé sur la route des Tamarins, mais il y a toujours des bouchons, c'est ça en fait. Hein. Bah oui, bah oui. 7,5 km, ça ne se résorbe pas comme ça, mais enfin ça veut dire que ça devrait plus tarder maintenant. Oui, mais bon, beaucoup de courage, toujours. À tout de suite sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Ça, tu m'entends, ça? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Découvre Découvrons Samy, j'en fais des tonnes, qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les 5 que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La région Réunion lance le Pop Nouvelle Génération. Let's go ! Le Pop 2. Pop 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon Pop est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. Pop 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon Pop 2 ? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionreunion.com. Première. Dans un instant, c'est les unes de la presse. Avec Cécile Thomas, qui est déjà là. Ben oui. Apprécions ensemble ce titre de Florent Pagny. Dansons. Habana. Florent Pagny, Habana. Un, sur première brève. Deux, trois. Des papeles de ceniza, comme un cuento del abuelo. Descubrí bajo el sombrero una tarde su sonrisa. A nadie se parecía, al menos en la mirada. Jovencita de mil ganas y otras miles lo vivirás. Y nos fuimos caminando entre risas y alborotos. Y a su lado fui soñando entre sorpresas y rotos. Habana, que espera sentada en el balcón. De buenos y de villanos, pero al hablarte con las manos se te enredan las razones y luego la mente flota. Dicen que tiene un amante, pero prefiere estar sola. Tiene una luz que enamora y un dolor en el semblante. Y volvimos caminando, bien borrachos de alegría, pero no sé todavía. Si ya fue o está pasando. Habana se enciende. Sí, señor. Sí, señor. Florent Pagny sur Réunion Première avec Habana. Habana. Habana, bienvenue, Cécile. Bienvenue, muchachos. Bon, allez, on va placer au une de la presse. Il est 6h52 et on revient à La Réunion. Oui. On en parle encore ce matin, c'est en une du quotidien, les suites de la vidéo de cette mère de famille de Saint-Pierre qui frappe son fils en guise de punition. La violence comme solution, demande le quotidien. Des experts répondent ce matin dans le journal. Autre titre, les Goulamali, candidats au rachat d'antenne Réunion en une réunion cap sur l'international. Mort à 23 mois, 20 ans pour le bourreau du petit Kélan. Radioactivité en Polynésie, la victime du nucléaire demande réparation. Low-cost aérien French Blue, des billets à moins de 500 euros. Et puis la coopérative ouvrière réunionnaise, le port reste bloqué hier. Une affaire de triche au bac en une du journal de Lille. Oui, le recteur donne le bac à un tricheur, écrit le GIR. Un élève en terminale L aurait recopié un document sur Internet pour son épreuve d'histoire géo. Le GIR, qui s'est procuré la copie, parle de plagiat grossier. Mais la preuve de la triche n'a pas pu être établie d'après le rectorat. Autre titre, loi Barège, une aide au retour pour les ultramarins de métropole. Média, la famille Goulamali veut racheter Antenne Réunion. Transports aériens, les tarifs low cost de French Blue. Et puis en sport, quand les créopolitains rentrent au pays. Dans la presse nationale, une nouvelle enquête sur la Syrie en une du monde. Une enquête sur Assad, le maître du chaos à Alep, écrit le journal. Un an après l'intervention militaire de la Russie en Syrie, le dictateur et son régime survivent sur les ruines du pays. Mais une victoire militaire à Alep pourrait conforter la stratégie jusqu'au boutiste du régime de Damas. Autre titre, la Cour des comptes critique l'efficacité des mesures pour les jeunes. Le conflit syrien également, une du Figaro. Oui, le conflit et ses conséquences. Washington-Moscou, le retour de la guerre froide, écrit le Figaro. En photo, Vladimir Poutine et Barack Obama. Après la crise ukrainienne, le conflit syrien a fait voler en éclats les tentatives de rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Profitant de la faiblesse américaine, Vladimir Poutine impose son tempo et la tension diplomatique s'exacerbe. Autre titre, la France tente de relever le défi de la surveillance de ses frontières. Nicolas Sarkozy en Astérix, Éric Zemmour en Idée Fixe son chien, en une de Libération. Refaire l'histoire, Idée Fixe de la droite, écrit Libé. Des Gaulois au programme scolaire, l'utilisation du passé mythifié et revisité à des fins politiques devient un outil de campagne, écrit Libé. Puis autre titre, les sportifs noirs, étendard de la lutte raciale aux États-Unis et Jospin, Chirac, Giscard, comment quitter le pouvoir ? Giscard. La famille du football en une de L'Équipe. Une si belle famille, titre le journal. Les élections à la Ligue de football sont agitées. L'Équipe qui titre la guerre des bouffons. Les grands clubs ont boycotté l'élection à la Ligue pour empêcher que les petits ne prennent le pouvoir. Une tactique assez pathétique, commente le journal. L'Équipe plus positive avec le mondial de l'auto. Ben voilà. Ferrari en voûte toujours. Sans blague. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Simone. Merci, Cécile. À tout à l'heure pour le journal. 7h pour l'information, ce sera Florent Marot. L'heure de réveiller un Moon à 6h55. Allez. Une Moon. Une Moon. Elle sera au Théâtre des Sables au samedi 15 octobre à 20h. C'est Allez, temps salé. 5 nuances de graines. C'est son spectacle. Et c'est elle ça. Nous présente ce matin. Salut Lisiane. Bonjour. Bonjour, bonjour de Isabelle. Salut Mickaël. La Réunion, bonjour. Bien réveillée ? Bah, apparemment, oui. Ah, il fait semblant. On m'a fini levé. Non, on m'a vraiment levé. Là, mis habillée, mis belle, toute. Maintenant, mis présentable. Ah, bah, c'est bien. On est prête pour la répétition alors. Ah oui, grand matin, arrivé, m'y paraît pour aller, moi, là, direct. Bon, 5 portraits de femmes qui sont décrits donc dans la pièce, dans ton spectacle, et les femmes qui vont parler des hommes. Alors, il y a des femmes coquilles, il y a des femmes prétentieuses, il y a des femmes victimes, il y a des femmes rêveuses, il y a des femmes dépensières. T'es quoi, toi, Lisiane ? Plutôt. Ben, il est tout en même temps. Tout en même temps. Moi, c'est une 5 graines. Ah, voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Ce qui est sympa, c'est que tout le public peut se reconnaître au moins dans l'un des portraits. C'est des clichés. C'est vraiment fait pour qu'il y ait un partage entre le public et toi sur scène. Alors oui, déjà, d'une part, il faut connaître de quoi on parle, c'est-à-dire de graines. Du coup, c'est important. Bah oui. Ensuite, effectivement, tout le monde, quand il regarde ce bande personnage, des filles-là, tu peux retrouver chez eux soit un monde qu'il n'apprécie pas trop sa vie de couple, ou une femme qui a tendance plus à dépenser qu'autre chose plutôt que d'occuper de sa vie, ou même bonne vantable. Entendu le tweet, elle parle de vantable. Ouais. Il y en a un an dedans, là, c'est un vantable. Si tu ne connais pas, elle m'aurait dit qu'elle était mal barre. Oh là, ça donne le ton, maman. Hein, ça les fameux Malbar 3V. Quels sont les hommes qui vont être décrits dans le spectacle les hommes en général. Pour les hommes en général, ouais. Comme il dit, c'est 5 nuances de graines, donc c'est 5 femmes qui décrit 5 qualités de groupe que vous avez pu rencontrer. Ah oui. Okay. Que vous avez rêvé de rencontrer. Oui. Du coup, nous pouvons avoir effectivement le bon book. Il parle aussi de. Le message premier qui est justement la femme, comment elle est traitée aujourd'hui. Ouais. Il y a aussi le message second qui est moi-même, comment on voit la place de la femme en fait. Et du coup, le bon book que les plus ou moins. C'est bon book qui peut-être maltraite, malmène la femme en elle-même. Ou bien bonne boucle, que la peur d'une femme justement très, très active, elle s'en met travail, elle y assume elle complètement et complètement autonome. Tu peux avoir bonne boucle la peur de ça aussi. Il y aura plein d'hommes enfin dans le spectacle, si on comprend bien, tous les types d'hommes que l'on peut trouver. 50 nuances degrés, tu t'inspires un peu de ça. Enfin, c'est pas que tu t'inspires du film, mais tu t'inspires du titre. Tu te vois plus dans Christian ou Anastasia, toi, dans 50 nuances degrés ? À moi, moi, c'est plus peut-être plus Anastasia. Anastasia. Ok, parce que tu peux être l'homme aussi, hein, en toi. Hein. Il peut, ouais. Mais Ali, il chape beaucoup trop de monde. C'est ça, il ne faut pas avoir peur du coup de fouette, hein, en même temps. Mais coup de fouette verbalement, je veux. Mais Anastasia, dans le petit côté femme ou rêve, de trouver quelque chose, et puis on n'a pas autre devant où il chape beaucoup autour de la journée. Et il pleut chez toi, Lisiane, on entend derrière. Il n'est pas trop chez moi, je trouvais comme des autres malaisants ma tête pour moi monter. Là, monsieur, il y aura un autre comme ça, mais ma pagaille le sent. Ah, ok, mais on entend du bruit derrière. Il y a beaucoup de bruit.

Le départ sera donné dans 2 semaines, jour pour jour. Le Grand Raid, c'est du 20 au 23 octobre. Réunion première et partenaire. Plus de 5000 coureurs sont attendus pour le départ à Saint-Pierre. Et pour partir du bon pied, autant avoir le bon équipement. Cela fait un moment que les magasins de sport s'organisent, mais en ce moment, c'est loin d'être le rush. Les trailers ont pour la plupart déjà acheté leur équipement. L'heure est aux achats de dernière minute, en fait. Christophe Doll est directeur d'une boutique de sport à Saint-Pierre. Les participants aiment bien aussi avoir des chaussures neuves, mais pas trop. Donc ça, on sait qu'on va les vendre maintenant, mais à une semaine de la course, on ne les vendra plus. Et puis aussi, ils cherchent aussi souvent à se rassurer en se disant « bah tiens, j'aimerais essayer un autre sac » ou « j'aimerais changer ma tenue parce que mon short, on ne sait jamais s'il pleut ». Donc souvent, c'est ou une deuxième tenue ou une tenue pour remplacer celle qu'ils avaient prévue. On va avoir un gros rush pour tout ce qui est diététique, on va dire 10 jours avant la course. Comme c'est du consommable et du périssable, ils achètent vraiment au dernier moment. Et en termes de chiffre d'affaires, que représente la période du Grand Raid pour vous? C'est moins important que Noël ou que la rentrée des classes. On doit être à 4 ou 5%, je pense, sur le chiffre annuel. Christophe Doll, directeur d'un magasin de sport à Saint-Pierre, au micro Réunion Première de Priscilla et Thève. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et ce matin, Fanny Bouvard, on va en Corse où le calme est revenu. Les rues de Bastia ont retrouvé leur calme après des affrontements entre jeunes nationalistes et gendarmes mobiles dans la soirée. Une trentaine de manifestants s'en sont pris aux locaux de la Banque de France avant de jeter des cocktails Molotov. 7 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés. Tout est en fait partie d'un rassemblement de soutien à 3 militants corses jugés en ce moment à Paris pour un attentat commis à Corte en 2012. Dans un communiqué, Bernard Cazeneuve a condamné fermement les dégradations et les violences, les jugeant inacceptables. Les États-Unis se préparent à l'arrivée de l'ouragan Matthew dans les prochaines heures. C'est le plus puissant de ces 10 dernières années dans les Caraïbes. 4 États du sud-est, dont la Floride, ont ordonné l'évacuation des populations des villes côtières et distribuent des sacs de sable pour protéger les habitations. Matthew a déjà fait plus d'une 20aine de morts à Haïti et en République dominicaine. Un bilan pour l'instant provisoire puisque le sud d'Haïti est encore coupé du monde. Les autorités viennent d'ailleurs d'annoncer le report des élections présidentielles et législatives qui étaient prévues ce dimanche. Antonio Guterres va succéder à Ban Ki-moon à la tête de l'ONU. L'ex-premier ministre portugais et ancien chef du Haut Commissariat aux réfugiés devrait être officiellement élu dans quelques heures, mais il a déjà reçu l'approbation du Conseil de sécurité hier. Âgé de 67 ans, il va prendre ses fonctions le 1er janvier prochain. L'ONU, qui vient d'ailleurs de classer Alep comme zone assiégée, 275 000 personnes vivent dans les quartiers rebelles de la ville syrienne. Des quartiers visés depuis 2 semaines par une vaste offensive du régime de Bachar el-Assad soutenue par les Russes. L'armée syrienne a annoncé ce mercredi une réduction de ses bombardements. Mais selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les opérations continuent toujours dans les faubourgs d'Alep. Alain Juppé s'affiche confiant. L'ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la droite se félicite des ralliements obtenus ces derniers jours et de ses bons sondages dans un article à paraître dans Paris Match aujourd'hui. Alain Juppé qui refuse pour autant, je cite, de vendre la peau de l'ours. Crise ouverte à France 2. Le directeur exécutif de la chaîne, Vincent Mellet, nommé il y a un tout petit peu plus d'un an, vient d'être limogé. Officiellement, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, évoque une divergence de stratégie. Mais la baisse des audiences de France 2 n'est pas à écarter. La chaîne a perdu presque 2% d'audience en un an. Mission réussie pour Ariane 5. Le lanceur européen a mis cette nuit 2 satellites en orbite. Il était parti 24 heures plus tard que prévu après des problèmes météorologiques. Mais surtout avec 74 lancements réussis depuis sa mise en service, la fusée européenne égale le record d'Ariane 4, sa prédécesseuse. 7h12 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Hier, on a eu du soleil. Ce matin, on a eu de la pluie. Ensuite, on a eu une accalmie. Et maintenant, c'est quoi la suite ? Gris. Ah là. Gris, en tout cas, entre le port et Saint-Philippe, avec des averses qui vont tomber. Alors, ce matin, elles peuvent parfois effectivement s'estomper. Puis, cet après-midi, elles vont s'intensifier. On alternera entre passages nuageux porteur d'averses et parfois une ou deux éclaircies. De l'autre côté, en allant vers l'ouest et le sud-ouest, eh bien le ciel sera un peu moins nuageux. Ce matin, un peu plus cet après-midi, on gardera peut-être quelques petites périodes ensoleillées cet après-midi sur Saint-Pierre et dans le cirque de Sillaos. Partout ailleurs, le temps sera plutôt gris avec donc des averses qui seront les plus fortes sur la partie est du vent. Sur le nord-ouest et le sud-est, ainsi que sur les hauteurs exposées Maïdo et Plaine des Cafres, et les températures en baisse aujourd'hui. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. C'est compliqué depuis ce matin sur le réseau routier. Comment ça évolue? On pose la question à Yves Gruyer. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlaboudou.com. Yves Piton-Saint-Le. Oui, ça évolue en mieux sur la route des Tamarins, parce que c'est terminé pour les bouchons de la route des Tamarins. Après 1h15 de circulation compliquée suite à cet accident de 5h30 ce matin entre ce fourgon et cette voiture à hauteur de la ravine Souris-Chaude. Donc on a eu presque jusqu'à 8 km de bouchons. Alors il y avait quand même pas mal d'autobus. Alors s'ils ne sortaient pas au niveau de la route, les collimations, les changeurs des collimations, eh bien, ces autobus, ils ont dû sortir avant, sans doute vers Stella ou peut-être même depuis les temps salés. Toujours est-il que vous vous retrouvez en ce moment en difficulté sur le littoral, sur la route des plages. Nous avons notamment au niveau de la déviation de la Saline, là en ce moment c'est en train de se bloquer également. Il y a quelques difficultés, un gros trafic bien chargé sur tout le littoral, donc en passant par Saint-Gilles-les-Bains et de Grandfond à Boucan jusqu'à Saint-Paul. Donc patience, alors que dans Bouteillage pour la partie fin de route des Tamarins, si vous êtes resté sur la 4 voies, eh bien démarre à hauteur de l'échangeur de Plateau-Caillou, donc finalement on n'a pas plus d'embouteillage que d'habitude, voire peut-être même un peu moins. En ce qui concerne le trafic à l'entrée de Saint-Denis, c'est au niveau de la Grande Chaloupe sur la route des, la route du littoral. Le pont Vinsan est encombré, la tranchée côté mer également, côté montagne, ça roule encore. Et toute l'entrée est en difficulté. Attention, il repleut de nouveau sur Gilot en ce moment. Restez prudents en provenance de l'est, la chaussée glissante. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlaboudou.com. À suivre l'invité de grand matin, Jean-Paul Dubreuil, fondateur et président du groupe Dubreuil et propriétaire de la compagnie French Blue. À tout de suite dans Grand Matin. Première. Envie de booster votre carrière? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU, GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi cheval qui rit à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Grâce au microcrédit et à l'accompagnement des équipes de l'ADI, il est possible de créer ou développer sa propre entreprise avec un microcrédit. Rendez-vous avec l'ADI et ses partenaires du 10 au 14 octobre 2016. OT, microcrédit aide à ouvrir de boîte. Plus d'infos au 0 969 328 110. Appel non surtaxé. Ensemble l'ADI, à l'avenir. La région Réunion lance le POP Nouvelle Génération. Let's go ! Le POP 2. POP 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon POP est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. POP 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon POP 2 ? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionréunion.com. Et il est 7h16 en toute la Réunion, comme d'habitude, à 7h06, c'est Philippe Dornier qui nous rejoint pour l'invité de Grand Matin. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et ce matin, vous recevez Jean-Paul Dubreuil, fondateur et président du groupe Dubreuil et propriétaire de la compagnie French Blue. Jean-Paul Dubreuil, bonjour. Bonjour. Également patron d'Air Caraïbes, la grande sœur de French Blue, en quelque sorte. French Blue qui va donc desservir la Réunion depuis Orly à partir du 17 juin 2017. Alors vous avez dévoilé vos tarifs hier, un prix d'appel à 249 euros l'aller simple. Vous pensez que les gens vont prendre une autre compagnie pour le retour ? Non, je pense pas. Sinon, l'allée simple, effectivement, est un produit plus attractif au niveau de son prix. Mais souvent, effectivement, c'est l'aller-retour. Pourquoi vous ne donnez pas les prix en aller-retour, alors, pour que ça apparaisse beaucoup moins cher? Il faut multiplier par deux. Mais enfin, je dirais qu'il peut y avoir aussi des gens qui ne prennent qu'un aller et qui prennent leur décision pour leur tour plus tard. Les réservations sont ouvertes. Et dans le JT de Réunion Première hier soir, Jean-Marc Collienne a testé trois scénarios avant la haute saison, pendant et après, avec au final une tentative d'établir une moyenne. C'est impossible de le dire parce qu'on peut juste dire que sur ces trois dates-là, si on réserve aujourd'hui, le prix moyen pour les trois scénarios est de 664 € pour French Blue. XL Airways n'est pas très loin, il y a moins de 100 € d'écart et on sait qu'à ce prix-là, contrairement à French Blue, eh bien on a droit chez XL à un repas et à bagages en soute. Les trois autres compagnies, elles sont sensiblement plus chères avec, c'est assez frappant, des prix finalement très proches l'un de l'autre. Jean-Marc Collienne le dit, vous ne faites pas franchement la différence par rapport à XL Airways qui, on l'a entendu, inclut le repas et le bagage en soute dans son tarif. Pourquoi les gens choisiraient French Blue alors? Écoutez, je pense que ce n'est pas uniquement une question de prix. Nous offrons aussi un produit d'excellente qualité. Nous présentons un avion de dernière génération, l'Airbus 350 est l'avion qui est le dernier sorti par Airbus. Nous aurons aussi des sièges de grande qualité et puis des écrans à bord avec la Wi-Fi, l'Internet. Donc je dirais qu'on offre un produit de qualité. Mais sur la durée, nous aurons beaucoup des prix plus bas que de nos concurrents. C'est la démarche que nous faisons. Aujourd'hui, les prix sur la Réunion sont élevé. Nous avons pu faire des comparaisons avec ce que Air Caraïbes pratique aux Antilles. Bon, je dirais que pour un temps de vol qui est à peu près de 25% supérieur aux Antilles, les prix sur la Réunion sont de 50% plus élevés. Donc, je dirais qu'il y a un prix de marché qui est plus élevé. Le pétrole a baissé. Sur les Antilles, les prix ont baissé de 9% en moyenne depuis le début de l'année. Et du coup, le nombre de passagers a augmenté de 7%. Sur la Réunion, les prix sont restés stables. Donc, je pense qu'il y a une marge. La grande question, c'est concrètement, combien de places à 498 € aller-retour, vous allez proposer par mois, par an? Écoutez, je crois que là-dessus, nous sommes dans un système de yield management comme toutes les compagnies aériennes du monde, low cost ou non, low cost, en fonction effectivement de l'offre et de la demande. Donc je dirais que aujourd'hui, les vols sont très ouverts donc à 249 €. Effectivement, en pic saison, les vols seront sans doute un peu plus chers. Oui, on ne trouvera pas ce prix d'appel en haute saison. Si, on le trouvera, mais avec un nombre de sièges plus limité. Mais vous ne pouvez pas le quantifier? Non, on ne peut pas le quantifier parce qu'on ne le sait pas nous-mêmes, puisqu'on a des moteurs qui gèrent ce système, et donc c'est en fonction de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, on a beaucoup d'offres, parce qu'effectivement, d'un seul coup, nous mettons beaucoup de places, nous mettons 260 000 sièges annuels sur le marché, donc on a beaucoup d'offres, donc les prix sont bas longtemps. Après, on va s'adapter en fonction de la demande et de la réaction de la clientèle. Taxe d'aéroport comprise dans ce tarif, et la surcharge carburant, est-ce que vous la pratiquez aussi? Non, c'est terminé pour nous. Chez French Blue, on a démarré après le phénomène du carburant. Donc, je dirais, on est basé sur des carburants stables aujourd'hui. On est basé sur un carburant autour de 50 $ le baril. Donc, on est sur ces prix. Et compte tenu des engagements que nous avons pris en couverture, nous, même si le pétrole remonte, ce qui va sans doute être le cas l'année prochaine, nous resterons sur ces prix. XL Airways a légèrement augmenté ses prix peu de temps après son arrivée. C'est ce qui s'est passé aussi pour French Blue, votre compagnie, sur la liaison Paris-Punta Cana en République Dominicaine, avec une hausse de 50 € des prix d'appel depuis le lancement en septembre. Vous risquez pas d'en faire autant pour la Réunion? Mais je crois que ça dépend de la saison. Si vous voulez, pour la desserte de la République Dominicaine, il y a eu effectivement des prix sur les mois de septembre et d'octobre qui ont été très bas. On en rentre ensuite dans la haute saison, les prix montent un peu et après ils rebaissent. Donc vous devez toujours aujourd'hui en vendre des prix à 149 € sur la République Dominicaine. Tout dépend des dates. L'arrivée d'XL Airways, elle n'a pas franchement, au final, révolutionné le marché. Pourquoi ce serait le cas avec votre compagnie, Jean-Paul Le Bret? XL Airways dessert Marseille, il ne dessert pas Paris. Quand il dessert Paris, c'est Paris via Marseille. Donc aujourd'hui, quand même, je pense que les passagers souhaitent un vol direct. Nous, notre avion nous permet de faire des vols directs sur La Réunion avec 411 passagers et du fret. Donc je dirais qu'on n'a pas des limites techniques comme celles que peut avoir XL Airways. Donc je dirais qu'on a une autre démarche. On mise vraiment gros sur la Réunion, c'est deux avions dédiés, donc un investissement pour le groupe qui est 250 millions d'euros au niveau des avions, plus les risques d'exploitation que nous mettons, donc nous sommes décidés et je dirais presque condamnés à réussir, donc nous faisons ce qu'il faut pour prendre notre part de marché. On estime que 20% de part de marché est quelque chose d'atteignable, je dirais à échéance 2 ans. Et c'est tenable? C'est tenable, et compte tenu de ce qu'on peut voir par ailleurs, et dans le même temps, on va faire évoluer le marché. Certains sont pas convaincus, mais je pense que 10% de croissance du marché de la Réunion, c'est à porter à partir du moment où on offrira aux passagers des prix. Ça veut dire que vous pensez attirer des touristes, par exemple, grâce à vos prix? Il n'y a pas que les touristes, si vous voulez. Vous savez que ce marché d'un dessert des départements d'outre-mer est essentiellement constitué de trafic affinitaire, avec des gens qui ont des familles de chaque côté de métropole et sur l'île de la Réunion. Et donc, aujourd'hui, des gens qui ne voyagent pas ou qui voyagent qu'une fois par an vont voyager deux fois ou trois fois parce que les prix sont plus adaptés. C'est mathématique. Mais des gens qui voyagent pour la première fois, ils aiment bien, ils vont voir la famille, ils emmènent beaucoup de choses, 12 kilos de bagages en cabine, et puis impossibilité d'emmener du liquide, par exemple, puisque les contrôles interdisent ça, rendre compliqué peut-être les choses. Non, je pense que les gens pourront acheter. C'est très abordable de prendre un bagage en soute, mais ce qu'on a voulu avec cette tarification, c'est permettre aux gens qui n'ont pas envie d'avoir de bagage de pouvoir bénéficier d'un prix plus bas. Combien le bagage en soute? Le bagage en soute, c'est 20 euros. Donc, si vous voulez, on peut effectivement très facilement, et puis après, on achète ce qu'on veut à bord. On achète 10 euros si on le souhaite pour avoir un plateau repas. Et donc, on adapte le besoin. Mais en basique, si vous voulez déjà, vous avez un confort de siège, et j'insiste là-dessus parce qu'il a été souvent comparé le low cost avec une mauvaise qualité de siège. Nous avons les meilleurs sièges actuels au niveau de cette desserte. Et puis, je dirais que nous avons les écrans les plus grands aussi du marché. Et nous avons des programmes, nous avons l'Internet. On pourra envoyer des SMS et on pourra envoyer aussi des mails au-dessus de... du désert, donc je dirais que c'est important. Avec French Blue, ça va faire 5 transporteurs pour desservir la Réunion. Le PDG de Corsair prévient que ça va être une guerre et qu'il y aura des dégâts. Il y a suffisamment de trafic à se partager. Oui, mais vous savez, quand on compare avec d'autres destinations comme New York, vous savez, Paris-New York, c'est 1,6 million passagers, c'est pas beaucoup, beaucoup plus que la Réunion. Il y a 7 ou 8 transporteurs. Bon, je dirais qu'après, c'est à chacun de faire jouer au mieux la qualité de ses produits, ils sont dynamiques. Donc, quand on dit 5, et que c'est un peu différent, parce que d'abord, ils viennent que deux fois par semaine et ils viennent Marseille. Donc, si vous voulez, vraiment, nous sommes 4 transporteurs à voler tous les jours entre Paris et nous sommes à Orly. Donc, un certain nombre de passagers préfèrent aussi Orly. Donc, c'est que le meilleur gagne. Mais je dirais qu'on est sur des marchés qui sont toniques et des marchés qui vont pouvoir bouger. Donc, nous, on souhaite participer à cette évolution. Vous avez annoncé du recrutement local également hier. Quand vous avez lancé French Blue, les syndicats d'Air Caraïbes ont fait grève pour refuser la desserte des Antilles. Est-ce que ça veut dire que les emplois créés ici seront aussi à bas coût? Écoutez, non, ce n'est pas des emplois à bas coût du tout. Simplement, on a bien bâti des règles de travail qui sont cohérentes avec ce qui est obligatoire en Europe. Mais nous n'allons pas au-delà. Donc, c'est aujourd'hui quand même des emplois de qualité. Un emploi de navigant, c'est très recherché. Donc, je dirais que le fait de créer des emplois à La Réunion, c'est quelque chose d'important. Nous l'avons fait il y a 15 ans aux Antilles, lorsque nous avons créé Air Caraïbes. Les emplois ont été offerts aux Martiniquais, aux Guadeloupéens et aux gens et au Guyanais. Combien de postes là pour la Réunion? Eh bien, on a prévu 50 postes. Alors, pour revenir deux secondes sur le conflit avec le personnel d'Air Caraïbes, bon, il y a eu un peu une incompréhension au début. Ils pensaient que French Blue allait phagocyter la croissance d'Air Caraïbes. On leur a prouvé le contraire, puisqu'on s'est engagé sur Air Caraïbes à augmenter la flotte de 5 à 7 avions. Et donc, il y a une croissance Air Caraïbes, des recrutements, et donc ce qui satisfait tout le monde. Chacun trouvera sa place. Vous en avez parlé tout à l'heure. Les premiers vols vont être assurés par un Airbus A350, un avion qui a des coûts incompressibles et qui rendent impossible de sortir des tarifs à 450-500 euros l'aller-retour. C'est un observateur du secteur aérien qui le disait lundi dans le quotidien de La Réunion. Comment vous rendez ça possible? Écoutez, finalement, je ne suis pas d'accord avec cette assertion. L'A350 est un avion moderne. C'est un avion qui va consommer 20% de carburant de moins que les avions en service. Je ne parle même pas des 747, là c'est complètement autre chose. Mais par aux avions 330 par exemple, c'est donc 20% de carburant en moins. C'est aussi une technologie qui va faciliter la maintenance. Bon, je dirais que c'est des avions que nous avons financés sur notre groupe avec des conditions d'intérêt très basses. Et donc, finalement, cet avion ne va pas coûter plus cher. Au contraire, il va apporter un plus considérable. Vous ambitionnez aussi de desservir l'île Maurice. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, de faire un vol qui transiterait depuis La Réunion via Maurice jusqu'à Paris? Je crois que le produit que nous avons mis en place, enfin, un produit vol direct. Bon, lorsque nous démarrons l'île Maurice, ce sera peut-être en 2018, en fonction de notre. Une ligne séparée, parce qu'aujourd'hui, avec un long courrier, faire des doubles étapes, c'est absolument anti-économique. Jean-Paul Dubreuil, merci d'avoir été l'invité de Réunion Première. C'est un grand plaisir, matin. Merci. Bonne journée. Merci à vous, l'interview, on la retrouvera à 13h30. Hein. Dans le 12-14, Jean-Paul Dubreuil, fondateur et président du groupe Dubreuil, propriétaire de la compagnie French Blue, était avec nous ce matin. Excellent début de journée sous la pluie, malheureusement. Ouais, dans oui. le nord et l'est, c'est un peu mieux dans l'ouest et le sud. Beaucoup de prudence. Restez prudent sur le réseau routier, exactement. C'est important. Et puis, dans un instant, c'est 7h30. Ça sera le journal avec Cécile Thomas. Oui, c'est Philippe, faut pas faire des photos pendant qu'on se parle. Voilà, on ben se quand voit même. Plus. Philippe. Et comme ça, Philippe. Indiscipliné, Philippe. Black M. J'ai failli perdre la raison. Peut-être que j'aurais dû simplement rester dans ma maison. La vie est dure et je ne fais que subir toutes sortes de pressions. Mon passé me rappelle que je dois tout donner dans mon présent. Le futur est flou, demain je ne vais peut-être plus voir mes parents. Mes parents qui se battent pour rentrer voir les leurs au moins une fois par an. Je redoute la fin parce que sur le chemin j'ai dû clairement blesser. Si tu vois que je veux tout stopper, mon ami, faut me laisser. Rentrer dans ma vie, j'ai vu la passion. La passion qui te fait faire toutes sortes de choses dans le feu de l'action. Le feu de l'action qui brûle, peu importe ta décision. J'aurais pas dû faire de ma réalité une fiction. Peut-être que foncer tête baissée, telle est la vraie définition de l'amour. La fierté c'est bien, mais quand la femme de ta vie te regarde, faut que t'avoues. J'ai beau faire le dur, mais c'est elle qui porte mon enfant avec bravoure. Et tout ce qui se passe autour, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup. Et l'invité de Grand Matin, cela continue sur Facebook, la page Réunion Première. Vous posez vos questions à Philippe Dornier, bien sûr, sur cette page de Réunion Première concernant cette nouvelle compagnie low cost, French Blue. L'inforoute vous est offerte par QTech, machine à boire Réunion. On va sur les routes avec Yves Bouillet. Yves Bétoradier du Gol qui est toujours en travaux. Oui, je pensais qu'il avait un peu plus avancé depuis la dernière fois que je suis passé là, mais non, donc toujours... encore un petit moment de chantier avant de libérer, enfin se radier, mais enfin vous êtes délié juste à côté, hein. Il n'y a pas de difficulté supplémentaire. Ici, attention, un trafic un peu dense entre le pont d'Avers Saint-Etienne et Saint-Pierre, donc par Pierrefonds, la circulation dans la descente du tampon plutôt correcte. Attention à la préparation des florilèges pour la partie sud. Ça coince avant l'entrée du tunnel du Cap Laoussé. Il y a plus de monde sur la route des Tamarins et surtout toujours des grosses difficultés sur l'ouest. Route des plages, secteur Saint-Gilles, entre la Saline des Bains jusqu'à Saint-Paul, la circulation est difficile ce matin, donc suite à cet accident qui n'a fait heureusement qu'un blessé léger ce matin à 5h30 au niveau de la Grande Ravine. Une très bonne route avec la première prudence dans l'est, il pleut toujours. L'inforoute vous a été offerte par QTech, machine à boire Réunion. Merci d'être avec nous sur la première, il est 7h30. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Discrimination ou maladresse, corsaire, mise en demeure par le CRAN de proposer à Mayotte les mêmes conditions de vente qu'ailleurs. La compagnie propose de payer les billets en 3 fois, sauf à Mayotte. Explication dans ce journal. 20 ans de prison pour le tipeur, 4 ans pour la maman de Kélan. Le bébé était mort suite aux coups répétés. Le principal accusé compte faire appel. Un anniversaire, les 70 ans de la départementalisation, réflexion, analyse et projection dans l'avenir, 70 ans et quel bilan pour le département. Reportage dans ce journal. Enfin, 5000 impatients, restent 15 jours avant le départ. Le Grand Raid 2016, c'est dans 2 semaines tout juste. Ne cherchez pas les coureurs, ils ne sont pas dans les sentiers. Ils écument les magasins pour peaufiner leur équipement. Les rayons regorgent de produits utiles lors des courses de montagne.

Le sénateur socialiste Albert Ramassamy a été un ardent défenseur de la départementalisation. 70 ans après sa mise en place, il dresse un bilan. Elle n'a pas réglé tous les problèmes, mais a permis l'amélioration de l'habitat et du confort des Réunionnais, surtout leur a apporté l'école pour tous. Au temps de la colonie, mon instituteur, il me voyait comme un coupeur de canne ou un cultivateur. La départementalisation a fait de nous des professeurs, des proviseurs, nous a apporté ce qui était nécessaire à l'évolution, indispensable à notre transformation, c'est-à-dire l'éducation. Ces 70 ans de marche vers la modernité et l'égalité ont bien profiter au département, mais le sénateur Ramassamy a une énorme interrogation pour l'avenir. Je trouve qu'on va vers une surpopulation et on enlève les terres agricoles, donc où on va ? Où va-t-on ? C'est aussi la question posée par Paul Vergès. Pour le sénateur PCR, 70 ans de départementalisation n'ont pas donné l'égalité aux Réunionnais. La future loi sur l'égalité réelle la promet aujourd'hui dans 25 ans. Paul Vergès n'y croit pas. Dans 25 ans, nous aurons 150 000 habitants de plus. Nous en sommes actuellement à près de 30% de chômeurs. On a 42% de la population sous du seuil de pauvreté. Et en même temps, dans notre environnement, tout va changer. Vous avez une classe politique qui ne voit que l'immédiat. Après 70 ans, malgré le chemin parcouru et les acquis obtenus, la départementalisation laisse à ses artisans un goût d'inachevé. Daniel D'Ambreville et les 70 ans de la départementalisation, c'est encore au cœur d'un colloque aujourd'hui au département. Ils ont des fourmis dans les jambes. Les participants au Grand Raid 2016 ont encore 15 jours pour se préparer. Plus de 5000 coureurs vont s'élancer sur les sentiers de l'île et pour l'instant, ils se retrouvent dans les magasins spécialisés. On y trouve tout l'équipement du trailer. Ces dernières années, avec l'engouement pour les courses de montagne, les rayons se sont agrandis. Avant la course, donc, le shopping, Priscilla Etève. Shorts, t-shirts, chaussures, sac à dos ou encore lampe frontale, toute la panoplie du trailer est mise en rayon depuis un bon moment dans ce magasin de sport Saint-Pierrois. C'est loin d'être le grand rush, pas de quoi inquiéter Christophe Doll, le directeur. Il y a aussi les participants qui arrivent de l'extérieur, qui vont être plutôt basés dans le sud à Saint-Pierre et donc qui vont venir chercher les 2-3 petits trucs pour se rassurer encore une fois et qui viendront dans le magasin. Ou alors les sportifs s'y prennent très tôt. C'est le cas de Bernard, participant du Grand Raid depuis une vingtaine d'années. Il lui manque juste une petite pièce pour compléter sa tenue. Dernière chasse, c'est le short. Niveau chaussures, c'est depuis 3 mois, maintenant, tous mes trucs, on entraîne avec. Il faut entraîner avec les chaussures, il faut puis changer au dernier moment, il faut adapter de pied aux chaussures. Même chose pour Christine, qui court son premier trail de Bourbon cette année. Depuis quelques jours, là, ça y est, j'ai mon équipement au complet, un sac à dos, une poche à eau et un peu de nourriture. C'est un budget. Et un sacré budget même pour Christine et Bernard. 500 euros, facile, oui. Au moins 800 euros. De quoi faire sourire certains commerçants, mais pour ce magasin de sport Saint-Pierre, Pierrois, en tout cas, le Grand Raid est loin d'être la meilleure période. Il ne représente que 5% de son chiffre d'affaires annuel. Et le Grand Raid, c'est donc du 20 au 23 octobre prochain. Et à suivre sur Réunion Première, radio, télé et internet. Les rédactions se mobilisent. On sera sur le pont. Merci Cécile. Bonne journée. Bonne journée à vous. 7h40 sur la Première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Il est où le soleil ? Il est où ? Il est où ? Elle est là, la pluie, elle est là. Elle est là. La pluie, effectivement, sur le port Saint-Denis ou encore Saint-Philippe, sur les plaines, notamment le volcan et le cirque de Saladis. Toute cette partie est concernée par des inverses, par intermittence. Parfois, il y a des accalmies, mais le ciel est bien, bien nuageux. De l'autre côté, ciel un peu moins nuageux dans l'ouest et le sud-ouest. Mais cet après-midi, tout de même, eh bien, on aura plus de gris et de blanc que de bleu dans le ciel réunionnais, notamment sur les hauteurs, avec des averses qui pourraient s'intensifier sur la partie est de l'île. L'est de l'île, et donc des pluies qui pourraient être un peu plus importantes que ce matin. C'est ce que nous dit Météo France. Température en baisse, forcément sous ces nuages du vent sur le nord-ouest et le sud-est, vers Saint-Philippe et vers Saint-Paul. Mmh. Et la mer est agitée dans les secteurs ventés, forcément. Pas d'amélioration à attendre avant demain. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Allez, on fait un nouveau point trafic tout de suite. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlaboudou.com. Et vous voyez déjà arrive Saint-Pierre. Bouge pas. À Saint-Pierre, à l'entrée de Saint-Pierre, à l'entrée ouest, avec, comme je vous le disais, donc quelques perturbations, donc entre Saint-Louis et Saint-Pierre. Saint-Pierre, essentiellement jusqu'à Pierrefonds. Tout à l'heure, c'était un peu plus loin, donc en allant sur Saint-Pierre. Maintenant, ça s'est rapproché de Saint-Louis. Il n'y a rien de spécial, donc il y a un gros trafic tout simplement. Donc attention, avant d'aborder le pont là vers Saint-Étienne, quelques encombrements vers l'échangeur de Bel Air notamment. Et comme la bretelle d'insertion est assez particulière en courbe et assez courte, donc faire attention pour les gens qui sont obligés de se rabattre sur la 4 voies. Voilà, ici les bretelles des échangeurs de Saint-Pierre, donc plutôt dense forcément à cette heure-ci, que ce soit en descendant du tampon, on est vers les casernes, mais à la sortie de boulevard Banque, sortie des deux échangeurs de Ravine Blanche, donc attention à ce secteur. Et puis des travaux, donc toujours dans le centre-ville, hein, donc rue des Bons Enfants qui sera en travaux notamment la semaine prochaine, et les travaux de d'enrobé qui seront au programme parce que ça avance pas trop mal au niveau du stade de la Cayenne. Et puis je rappelle que la rue François Isotti est toujours fermée à la circulation au-dessus de la gare routière, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc pas trop de changements, toujours à l'entrée du tunnel du Cap Laoussé pour les bouchons. Dans l'ouest, sur la fin de la route des Tamarins, le littoral, ça coince toujours entre Saint-Gilles et Saint-Paul. Et puis, route du littoral, c'est au niveau de la Grande Chaloupe. Hein. Maintenant, les ralentissements, le pont Mitsan toujours encombré. Une entrée est toujours sous la pluie et des difficultés importantes depuis Sainte-Suzanne encore. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Et comme on vous l'avait dit, hein, nous on fait un peu la grimace ici en mode elle est là la pluie, elle est là, et on est triste. Mais c'était dans... quoi ce vieux bah, parce que râle, je sais pas ce que je suis triste, la fin là. Je suis triste, ah. Ouais, j'ai faim aussi. Dans l'ouest et le sud-ouest, bah, c'est beaucoup mieux. Tampon, tampon il fait beau. Eh bah, tant mieux. Tampon il fait beau, on salue notamment. Alors c'est qui est au tampon? C'est Fréduit. Fréduit qui est au tampon. Salut à Valérie Desmacs, qui a un beau soleil au Mac. Bon, bah, beau soleil aussi du côté de Saint-Gilles, alors qu'au port, bah, tant cyclone. Quoi. Edith, bise Edith. Bisous Edith. 06 92 70 2000. Ah oui, il faut absolument retenir ce numéro et envoyer un SMS, dernier virage là, d'un instant, ça fait un tirage au sort. I love. Les invitations. Me au aime. Cinéma. I like. Ah, tu donnes des idées pour le message? Mi gusta. Mais gusta nenni, mais gusta voilà, mi gusta grand matin. Oui, bon, c'est bien ça. Tout ça quoi. Enfin, ce que vous voulez, vous envoyez un message comme ça. Nous, on a votre numéro de téléphone, tirage au sort. Demain, n'oubliez pas, pour repartir à l'hôtel, la Sillaos. Un petit SMS ou un petit like sur la page Facebook. Parce que ça marche aussi sur la page Facebook. Et c'est dans la poche. Et dès ce matin, on tirera au sort pour vous faire gagner. Kubo. Non, le c'est pas le même. Le petit dinosaure. Non, ça c'est Denver. et puis c'est... Kubo, ouais. Petite automobile. Voilà, cette fameuse automobile. Tu parais si fragile. C'est bien, tu sais chanter, Isabelle, c'est bien. Sous ton drôle de cabot. Kubo. Capot, hein. Oui. Capot, on est d'accord. Oh. Parce que j'ai pas entendu capot, là, tu mais moi. Belle. C'est pas grave. Il y a pas que moi, apparemment. N'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Vous êtes dans Grand Matin, c'est improbable. Tout peut se passer ici. J'ai dit des bêtises. Bonne journée à tous. Et vous avez pas entendu, surtout, hein. N'importe quoi. Si ou dit, tiens, sur première. Dis plus rien, moi. Pleure dans la bouche, papa, il traîne, il est sous malais assis à tout. Et pendant ça, là, il y a bref, les mains qui rendent ma neuf à l'air, lui préfère son boulot. Épouse, c'est pas une prière, va rallier la lumière. Travailler pour un bon salaire, sinon ça mieux pour être sur mes mamées ou qu'on est moins fier. Et pour moi c'est pas une prière, va rallume la lumière. Si vous dites que vous de bras les fonds, si vous dites que vous de foi les parents, alors ensemble la fête nous aime fleur dans notre fond. Dans notre fond de cœur. Oh. récolte harmonie. Dresse la tête à vivre toute mémoire, toute valeur, mais dans toute histoire à suer, c'est un début espoir. Mais avec toutes nos prières, il faut nous marcher en frais. Si vous dites que votre bras les fonds, si vous dites que votre foi les parents, alors ensemble la tête pousse un fleur dans notre frontière. Si vous dites que votre bras les fonds, si vous dites que votre foi les parents, alors I love Bourbon Island. Rosby, Ramos de Silos. Oui, pourquoi pas aussi faire ce genre de message hein, sur le 70 2000 06 92 70 2000. Jason nous demande le numéro SMS, bah c'est celui-là, 06 92 70 2000. Vous pouvez liker aussi la page Grand Matin de Jason hein, si vous likez la page Grand Matin, ou encore donc vous envoyez un SMS au 06 92 70 2000. Le week-end à Silos, c'est peut-être pour vous. Ah oui, j'en profite pour embrasser Céline. Oh Céline. Oh Céline. Tu es une belle chanteuse, Isabelle. Te laisse pas te faire. Te laisse pas faire, inquiète pas. Te laisse pas faire. Femme devant, cavalier derrière. Oui, ça peut... Vaut mieux leur laisser dire, hein, moi je dis. Hein. Bon, hein, on est d'accord, les gars. Bon, allez, à tout de suite. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascareigne. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Zatiem devinette? Devinez! Cosa, les gratuites! Les zones 5 à couvert VA et Asperazade dans notre pharmacie, ils ne peuvent pas s'en passer, citant tellement les Gaïa pour la sécurité de toutes. Alors, cosa il est? Ben oui! Si le petit bac ou en sieve pour traiter tout ça qui pique, aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites votre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans votre famille, viens voir sur dastri.fr. D-A-S-T-R-I. D'Astri, ou en Sèvre, Outri et Niramas. Découvrons Samy Jean-Fait des Tonnes qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les cinq que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Et à 7h49, c'est l'heure de Pascal Rizzo. Et puis juste derrière, c'est le zapping. Hein. On va encore bien rigoler. Mmh. Et puis on vous fera gagner vos places de cinéma pour Kubo et l'armure magique. D'ici là, on parle encore de la marque à la pomme dans Connect Première. Allez. Connect Première. Bonjour, tous les mêmes. Eh oui, Apple vient de révéler que la dernière version de son logiciel macOS Sierra pour ordinateur fixe et portable, le successeur de macOS 10 El Capitan, sera au fil des prochaines semaines disponible en mode de téléchargement en tâche de fond. Autrement dit, le logiciel de 5 Go va être téléchargé automatiquement sans que le possesseur du Mac n'ait rien demandé et quand l'ordinateur n'est pas utilisé pour éviter toute gêne. Jusqu'à présent, les possesseurs de Mac devaient se rendre dans l'Apple Store pour télécharger une nouvelle version majeure, même gratuite, mais le syndrome Microsoft est manifestement passé par là. D'ailleurs, cette nouvelle disposition d'Apple banalise la méthode et permettra moins de pointer du doigt Microsoft. Différence quand même entre les deux systèmes, une fois la mise à jour téléchargée, pour le moment, elle ne se lance pas automatiquement. Il faut que l'utilisateur du Mac exprime clairement sa volonté. Dans la pratique, les utilisateurs de Mac rechignent moins à installer la mise à jour de leur système d'exploitation que sous Windows, où la méfiance est plutôt la règle. Mais ils auraient tendance à conserver le système antérieur le temps que les accros des nouveautés de la compagnie, et il y en a, essuient les plâtres le cas échéant. Si vous possédez un Mac et ne voulez pas installer Sierra ou pas tout de suite, il vous faut aller dans « Préférences système », Apple Store, et là vous décochez la deuxième case en partant du haut, téléchargez les dernières mises à jour disponibles en tâche de fond. Attention, vous perdrez alors toutes les mises à jour automatiques. Sur les appareils mobiles de la marque à la pomme croquée, les utilisateurs n'ont pas vraiment ce choix. Lorsqu'une mise à jour du système est disponible, les incitations pour l'installer s'enchaînent sous forme de pop-up qui vient couvrir tout l'écran, demandant si l'on souhaite installer la mise à jour tout de suite ou plus tard. sans possibilité donc de refuser cette mise à jour. Le fait de valider plus tard fera réapparaître la même fenêtre pop-up régulièrement jusqu'à ce que l'utilisateur, lassé, finisse par céder. Bref, vous le voyez, la tendance est quand même bel et bien là. Belle journée. Ah, tout à l'heure, quand on chantait Bumbo, on chantait Kumbo, parce que pourquoi on chantait Kumbo? Parce qu'en fait, le film. Kumbo, c'est mais... Kubo. Oui, oui. Déjà. Bah oui, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, le film s'appelle Kubo, Kubo et l'armure magique. Donc, on a repris le. Voilà. Et Naemun Lazianou, c'est Edith. Bumbo. Et c'est Bumbo, hein? Bah oui, oui, mais on sait Edith. Nous connaît Edith. Y a pas de problème. Gros rayon de soleil au tampon. Bis pour l'ambiance. Salut à Claude du tampon. Salut à Jason aussi. Enfin, Chloé. À toute la planète, hein. Bah Réunion, oui. Hein. Salut les collègues des transports. Les collègues transport, Cinamoni. Et ben voilà, qui écoute à nous. Bon, bah tout ça, c'est super, fait. Super, bisous. Kubo, l'armure magique, c'est ça. Je m'appelle Kubo. La plupart du temps, je m'occupe de ma mère. Il était comment, mon père? Il te ressemblait beaucoup. Il était beau et fort comme toi. Maman, arrête. Je mets de la magie dans mes histoires. Si vous devez cligner des yeux, faites vite. Elle parle de batailles épiques, de guerriers et de monstres. Mais j'étais loin d'imaginer qu'en fait, mes histoires étaient vraies. La suite, vous la verrez au cinéma. Et c'est Eric de Silos qui va repartir avec ses places au cinéma ce matin. Coucou Eric. Salut Eric. Bonjour. Ça va? Ouais, bien et vous? Bah bien, tranquille, il passe la matinée à la maison. Oui. Grand beau temps aussi là-haut. Eh bah voilà, super. Tout va bien, tout va bien. Profitez-en. Bon, cool. Félicitations, nous rajoute deux invitations pour vous aller au cinéma. Donc des invitations valables dans les salles du réseau Moré Film. Bisous Eric. Salut Eric. Merci. Bonne bisous, journée. Bisous. Bonne journée à toutes. Ciao. T'as vu, il a dit à toutes, ça veut dire que il avait un petit clin d'œil, il pense aux femmes surtout. Ça me va, Eric. Il y a pas de souci. On zappe. Allez. Ah, on zappe. Aujourd'hui, vous savez quoi? C'est la fête. Ouais. La fête du maillage. Il y en a non. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Allez, aïe, on aïe. Y va. Attends, dis à qui la mettre la voix de où dessus? Comment le zapping? Pas quoi là? Ah oui. Mais demande pourquoi? Et le dieu dit parce qu'elle a choisi le plus meilleur. Ah ben oui. Certains, la solution réside dans les ateliers que propose le salon. Une façon de les faire. Ah mon Dieu Seigneur. Et puis vers la mi-journée, les nuages de pente vont se faire observer sur l'ouest. On va y arriver. Oh là là là là. Allez, on profite encore de ce beau soleil sur l'ensemble de notre île. On est tous invités à Petite Île parce qu'il fait beau. Les températures sont de saison, 20 à Tondu à Silaos, 14 au volcan ou encore 19 à Takama. On s'installe, on met le son plus fort. Alors vous notez, attention, c'est à ralentissement, alors pas de trop de changement sous le tunnel Chaplaoussée. Oui. Oh là là là là, 4 points. Maximum. Une déviation sera donc mise en place par la route nationale 2002, centre-ville de Brapanon, Bourbier-les-Rails jusqu'à l'échangeur de Beaulieu. Comment? Pardon? Oh là là! Ouais, d'accord. Le journal vous est présenté par Jean-Paul Mélade. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir, eh bien. Quelle perception! Oh là là là là! Ouais. Ah oui, ouh là c'est là bon. Là là. C'était le best-of aujourd'hui. Hein. Il faudrait qu'on retrouve la madame qui fait ouh là là là. Là, là, là. C'est la plus nana. Meilleur. C'est plus meilleur. Salut Jackie. Bonjour, salut, Jackie. Bonjour. Bonjour la Réunion. Bonjour à toutes un peu la plise. On dit bienvenue un peu. La langue c'est mon qui va moins mailler. On dit alors. La cause un peu. Bien sûr. Tu as remarqué c'est un temps fait à des bébés. Non, des gâteaux. Des gâteaux. Ah, des gâteaux. Ben écoute. Hein, on pense pas la même chose. Les enfants, hein. Quand ils sont comme ça. On pense pas la même chose. De mon bargeon, mais des bourgeois, on fait encore. Voilà, alors, ce gâteau, c'est Sabine Dijou, auteur culinaire passionné de cuisine. Gâteau tisson, patate, manioc, chouchou. Tisson, patate, ah oui. Maïs aussi, les bons. Celui de Sabine, les dos. Ah, ne m'explique pas où. Donc, on en parle aujourd'hui. Les gâteaux pays entre 8h et 9h. 10h, ouais. Et puis entre 9h et 10h, il y aura Monsieur Krishna et sa femme qui reçoivent leur nièce, qui a un enfant qui ravage beaucoup. Ouais. Ça arrive. Et puis comment faire boucaner ou fumer de la viande ou du poisson? Légende. Alors il y aura 5 signes qui montrent que votre chat veut vous tuer. Oh bah ah, super! Voilà, cool. Bonne journée. cool. Bah ouais, bonne journée avec votre chat. On salue Polonia sur Facebook. Bisous Polonia, bisous la Réunion. À demain, Mika. À demain. Salut Jackie. Yo. La Réunion. C'est déjà ça, on peut aller se la journée continue maintenant. Sur Première maintenant. Voilà. Allez, on rejoint Yves. L'inforoute vous est offerte par QTech, machine à boire Réunion. Et aïe, aïe, aïe, accident, quatre voiles du tampon au niveau des casernes, Yves. Oui, oui, collision, quatre voitures, juste avant la sortie des casernes, quatre véhicules impliqués. Le bouchon remonte déjà quasiment aux azalées, donc toute la descente du tampon encombrée suite à cet énième carambolage sur cette partie de quatre voies descendant vers Saint-Pierre. Patience à ce niveau. Je me trouve donc en centre-ville avec la rue François-Isottier en travaux qui se déroulent à la fois en journée mais également de nuit. Chantier qui démarre généralement vers 10h le matin, mais enfin bon, il y a quand même des ouvriers qui sont là. Et ce chantier, pour minimiser, je veux dire, le temps de gêne, devrait se terminer pour le 1er novembre. Là pour le moment la circulation reste interdite et vous êtes dévié par les rues adjacentes, notamment la rue du Four à Chaud et ensuite la rue d'Orion. Voilà en ce qui concerne le trafic ici. La circulation toujours dense, sortie de Saint-Louis en direction de Saint-Pierre, ça coince toujours même après l'échangeur de l'Étron, encore plus de monde sur la fin de la route des Tamarins. Pour la route du littoral, c'est Ravina Jacques, pont Vincent encombré, l'entrée est toujours difficile, mais du côté de la marine, ça s'est libéré, les ralentissements se situant vers l'échangeur nord de Sainte-Suzanne actuellement. Attention au mauvais temps là-bas. L'inforoute vous a été offerte par QTech, machine à boire Réunion. Bienvenue sur Réunion Première, il est 8h. On est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Elle démarre aujourd'hui les quatrièmes rencontres de la sécurité. Plusieurs ateliers sont prévus pour discuter avec ceux qui veillent sur nous, policiers, gendarmes ou encore pompiers. Présentation dans ce journal. Des billets à moins de 500 euros, c'est ce que promet la compagnie French Blue, mais à ce tarif, vous n'avez que le siège en classe éco. Pas de valise en soute, pas de repas, premier vol, juin 2017. 20 ans de réclusion criminelle, c'est la peine prononcée hier aux assises à l'encontre du principal accusé, Stéphane Bocage. Il a battu et tué l'enfant de son ex-concubine, une maman condamnée à 2 ans ferme pour non-assistance à personne en danger. Et puis en sport, le grand raid, c'est dans 2 semaines, jour pour jour, les trailers peaufinent leur préparation. Qu'en est-il de leur équipement? On en parle à la fin de cette édition. Ils seront tous là, policiers, gendarmes, pompiers, mais aussi représentants de la sécurité routière. Tous réunis au Tampon, à Sainte-Marie, à l'Étang Salé et à Saint-André pour la 4e édition des Rencontres de la Sécurité. Ça démarre aujourd'hui. Présentation avec Patrick Ramoudou. Au collège de Cambuston, les élèves pourront profiter de divers stands et notamment s'initier aux gestes qui sauvent. Mais ces rencontres de la sécurité ne concernent pas seulement les jeunes, mais l'ensemble des Réunionnais. À l'heure où les vols restent un fléau, ils pourront savoir avec les policiers comment